Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. À chaque fois, ça prend de court un peu les invités. Je le sens. Ouais. Hein, ils sont, ouais, parce que tu le fais avec, tu préviens de moins en moins. De quoi. Moins en moins. Mais ça, j'aime bien. Tu vois, il y a un côté, on se mouille pas la nuque. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Ouais. Adrien, comment vas-tu? Ouais. Écoute, faut dire aux gens. C'est vrai que là on sait. Alors oui, parce qu'on enregistre avant le résultat des élections. Du premier tour. Donc peut-être ça va bien, peut-être. Ça va sans, pas sans du doute tout, ça du va tout. Pas bien. Il y a, y a moyen pas. Que ça arrive pas bien, mais bon bah, voilà. Je lis tout et son contraire en termes de chiffres. Là, ouais, vraiment, donc, je lis, ouais, on a que à 0,5%. Et puis je lis un autre truc qui dit, bon, c'est majorité absolue. Donc, bon bah. Ouais, ouais, moi aussi on m'a dit ça. On sait toujours pas de qui tu parles en plus. Non, il est très. Non, il est très. Je me mouille pas. Je me mouille pas. On sait jamais. On sait jamais. C'est Notre première invitée est comédienne, autrice et humoriste. Elle se lance dans une grande tournée qui passera par Nantes, Toulouse, Bordeaux et même aux Folies Bergères à Paris le 31 octobre. Vous l'avez peut-être découverte à la télé où elle donne des nouvelles du Groland, au cinéma de plus en plus ou avec les chroniques qu'elle faisait dans une émission d'une radio du service public. En tout cas, à l'heure où on enregistre, elle est encore publique, cette radio. Depuis, elle a démissionné, donc vous l'entendrez plus là-bas, mais vous pouvez l'entendre chez nous. C'est Douli. Comment ils vont, mes petits culs? Ah, quel plaisir. Ça mais va, ça me fait plaisir, mais moi à chaque fois, tu sais qu'en plus tu m'as réinvité deux ou trois fois où je pouvais pas, et c'est un des trucs qui me fout le plus le seum quand je peux pas. Bah, je suis là, j'ai mignon. Envie d'annuler des queutrues et tout pour venir. Quoi. C'est trop gentil. Et là, t'as annulé des gros trucs en plus. Voilà, pour nous venir nous voir. Tout annulé. C'est ça. Tout annulé. Je sors de ma saignée. Enfin... Alors oui. Ah, oui. Alors, on y reviendra peut-être. Voilà. Parce que j'ai appris Douli que... revient du Moyen-Âge. Alors on parle. On s'en a découvert qu'on disait encore saignée. Oui, je fais des saignées tous les mois. Et alors, ils n'ont pas changé le nom depuis le Moyen-Âge. D'accord. Ils bon, t'enfoncent un pieu dans le bras. Un pieu dans le bras. Van. Ah, tu veux que ça soit la vanne de tout à l'heure. Hey, est-ce qu'ils mettent un masque avec un grand bec là? Ah, bah, ça marche moins bien la deuxième mais fois. Mais si, tu vois, regarde, on a ri. Oui, les gens n'avaient pas le contexte. Notre second invité, c'est sa première fois dans le Floodcast. Il a enchaîné les spectacles dont son dernier YOLO sera joué au Théâtre de la Renaissance à partir du 30 septembre. Mais je crois que tout est complet. En tout cas, sur les sites, il y avait écrit tout complet. Mais il sera au Havre, à Évreux, à Amiens, à Carcassonne. Vous l'avez peut-être lui aussi t'as découvert. Dit les trois pires villes de la tournée. Évreux, Havre, Carcassonne. Mais parce que t'en as d'autres tout qui sont là. Tout le monde dans le nord et juste à Carcassonne. Ouais. Que parce le que nord, ma famille habite mais à côté. Carcassonne. Est-ce que c'est pour se manger de l'accueil qu'on avait reçu à France Inter ou pas du tout? Oh, il l'a tout de suite mis, il a été mal. Il y avait eu un mauvais accueil, chérie. Non, mais. C'est vrai? Non, c'était cool. Je connais ta tête. L'émission n'existe plus. Dans notre émission, en plus, je crois. Oui, vous étiez pas là. Vous avez été mal reçu? Non, c'était cool, c'était trop bien. Non, c'est juste, je pense qu'on a. On n'était pas à l'aise, je pense. Non, c'est ça. On n'était pas à l'aise. C'est pas de notre faute du tout. On est arrivé un peu en remplacement, je pense, et les gens savaient pas trop ce qu'on faisait. Oui. Ah ouais. En gros, je pense que personne n'avait est-ce envie de se voir. Parce qu'on m'a toujours pas présenté. On m'a toujours pas présenté. Vas-y. Tu peux remonter un tout petit peu ton micro. Ouais, c'est bon là. Oui, peut-être on peut finir. T'as critiqué les villes de France et moi, pardon, mais. Ah oui, t'es ça. Pas devant moi, quoi. J'aime la France. Voilà, il est proche. J'aime la France et aussi les acquis sociaux qu'elle a acquis. Il est proche de tous les Français. On sait toujours pas pour qui il vote. Il est très opaque. Je suis le raciste de Schrödinger. Pour l'instant, je vous l'avez peut-être lui aussi découvert avec ses chroniques sur France Inter et lui aussi a démissionné, soi-disant par soutien à Guillaume Meurice, mais on sait qu'en effet, c'est pour faire du cinoche avec tout ce que ça offre de drogue et d'escorte. En effet, depuis mercredi, pardon, il est à l'affiche des pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice également. C'est un sujet glissant. Ah ouais? C'est un sujet glissant. Non. Est-ce qu'on peut finir ma présentation? Non. À la fin de l'émission. Et donc c'était vrai. Donc c'est ce qu'il nous dit dans cette émission. Est-ce que c'était de. Bon, j'ai tout raté ma blague, du coup on a parlé pendant. C'est pas grave, c'est Aymeric Lompré. Ouais. Pourquoi c'est ce sujet touchy? Parce que je devais faire partie de ce film, chérie, et que j'ai chié le casting. Non, pas du tout. T'as chié pendant le tournage. Non, pendant le casting. Sur la petite chaise là. Non, Jean-Christophe Meurice m'a appelé, et du coup, voilà, j'ai dit oui, j'étais dans le speed de plein de trucs et tout ça, et j'ai pas du tout répondu à temps. Et c'était déjà le tournage, ça allait commencer dans 3 semaines. Il m'a dit, putain, je suis désolé, Douli, mais on a dû choisir quelqu'un d'autre parce que. t'as pas répondu. Qui est super, la personne et qui prend. C'est vraiment un autre. C'est moi. C'est un le coloc qui a pris le répondeur. C'est horrible, t'imagines, tu devais être dans un film. Tu devais être dans un film, ton coloc est dedans, enfin tu vois, c'est l'enfer. Mais ça m'est déjà arrivé, moi, ça. Ouais. Je suis vraiment nul pour répondre à tout, c'est une catastrophe. Et ça m'est déjà arrivé de pas répondre à temps et d'avoir un message. Désolé, on a demandé à quelqu'un d'autre. Bah on ouais, peut pas c'est répondre. Ça, c'est toi. Horrible. C'est un pote à moi, ouais. Qui a pris le rôle? Oui, sûrement. Vu le tournage que c'était, ouais. Non, mais ça pas fait, ça fait quand même quelque chose, je te jure. J'ai écrit à Jean-Christophe Maurice, je lui ai dit, je suis pas bien du tout. Je le vis très très mal. Mais moi, je peux plus en parler du coup. Mais ça va, ça va. Va. Je fais plein de trucs. Oui, il était allé à Cannes avec ce film en plus, tellement. Ouais. Oui, oui, ouais, c'est, mais c'est ça qui est terrible. C'était une opportunité à pas rater, quoi. Ah, c'est un déchirement. À mon avis, ça va ouvrir plein de portes. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec le jeu du Floodcast. Bien sûr. En Corée du Sud, un robot a fait quelque chose qu'aucun robot n'avait jamais fait jusque-là. À votre avis, c'est quoi? Il s'est reproduit. Non. Ce serait comment? Je sais pas. Attends, moi. Bah, attends, c'est le cul tout de suite. Hein. Est-ce que oui, ou la merde, c'est toujours est-ce ça. Que est-ce que c'est un truc d'humain? Est-ce qu'il a fait un truc d'humain? Les humains le font. Il a mangé. Il a fait caca. Vas-y, oui. Il a fait caca. Pendant le casting du robot. C'est un truc d'humain homme ou d'humain femme? Peu importe le genre. Peu importe le genre, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas le ménage. Allez, on a le droit. Viens l'antenne. Viens l'antenne. Mais tu m'as dit, c'est comme les grosses têtes. Le concept, pas le ton. Il a fait un truc. Il a voté. Alors il n'a pas voté. Est-ce qu'il a réfléchi genre? Ce que j'espère vous avez tous fait. Est-ce qu'il a réfléchi en autonomie tout seul quoi? Alors ouais, il a fait un choix. Il a fait un choix. Il s'est suicidé. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Bien joué. Mais t'avais la réponse ou pas? Non, c'est vraiment. C'est le mec le plus triste du groupe qui a répondu. Il s'est suicidé. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Le jeudi 20 juin. Un corps a été retrouvé léthargique au pied d'escalier, celui d'un robot fonctionnel municipal. Ce dernier se serait jeté de son propre chef. Où il est tombé, quoi. Mais peut-être qu'il y a une âme, une vraie âme, qui est rentrée dans ce robot. Il avait une âme. Bah, attends, vas-y, lis le truc. Il a pas écrit une lettre de suicide. Hein. Je pense que tout est roman. Chier avec monde de merde. Reviens, Carole, tu me manques. Les médias locaux pleurent le premier suicide d'un robot dans le pays, d'autant plus que la police municipale prend l'affaire très au sérieux. Oh. En effet, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances. Conscience de cette chute. D'après le responsable municipal, des pièces ont été collectées et seront analysées par la société ayant conçu le robot, Bear Robotics, une compagnie basée aux États-Unis en service depuis presque un an. Le robot aidait les habitants de la ville à réaliser différentes tâches administratives. Oh, trop pratique. Ah ouais, en donc plus, le putain, mec en j'en fait, rêve, c'est... moi. Non mais il je a pété ça, les moi. Plombs, c'était un artiste. Et... il disait non mais je fais ça, c'est alimentaire. Hein. Moi j'ai un groupe. Hein. Et là il y a un énième impresario qui a dit gars tu perceras jamais avec ton groupe. Là il faisait officiellement partie de la mairie, il était l'un des nôtres, c'est attristé un autre fonctionnaire. Pour le moment la mairie ne compte pas remplacer le robot, trop attristé. Les médias eux se demandent si la machine ne s'est pas retrouvée victime d'une charge de travail trop conséquente. Et voilà, il a burn out. Un burn out. Moi j'y crois pas une seconde, mais c'est drôle. Il est juste tombé, ils ont enjolivé l'histoire. Ouais, c'est ça, genre un robot. Non mais si vraiment les robots ils peuvent avoir des charges de travail trop élevé, à quoi ça sert d'avoir des robots quoi. C'est vraiment le principe de ils sont jamais fatigués quoi. Il y aura l'assurance chômage pour les robots et tout. C'est vraiment l'ont mal conçu quoi. La Corée du Sud est connue pour être amatrice de robotique, ça je te dis, parce que je veux y aller moi. C'est en Corée du Sud ça chérie. C'est Corée du Sud, ouais. Et ils sont gros fans de robots puisque c'est le pays pardon qui possède la plus haute densité de robots dans le monde. On compte un androïde industriel pour 10 employés. Mais déjà moi quand je vois le robot dans les hôtels, dans certains hôtels, c'est il y a le robot. T'as vu ça toi? Oui, il monte à Montréal. Ah ouais, voilà. Il monte dans ta chambre et il t'amène le truc et tout. Bizarre ça. Après il fait des trucs. Je suis un robot. Pas de soucis. Mais attends, mais la densité de robots en France c'est zéro quoi. Il y en a zéro. J'ai jamais vu un robot en France. Non mais est-ce qu'une imprimante est considérée comme un robot? C'est ce que j'allais dire. Exactement. Je sais pas ce qui rend. Je pense pas. Là surtout que c'est les chiffres quand même. Une imprimante mais haut de gamme. Ouais. Qui parle et tout. Là je te parle. Mais qui imprime pas. Ah vous dites pas j'ai fait. C'est trop là. Encore deux pages et je me suis dit. Recto verso. Tu veux que je me bute? Laser. Non mais là 1 sur 10, sachez que c'est quand même les chiffres d'un truc que je ne connaissais pas, à savoir la Fédération Internationale des Robots. Une vraie fédération qui existe et qui voilà, qui fait attention. Ça doit pas beaucoup baiser là-dedans. Mais bah, tu sais que nous avec Adrien, en parlant de gens qui baisent grave, nous on voulait commenter, il y a des trucs qui existent, c'est les combats de robots. Oh, je sais pas si vous avez déjà vu ces trucs. C'est génial, c'est génial. Nous on rêvait de commenter ça nous. Ouais. avec ils ont des robots de ouf avec des scies, des machins, c'est ça, ça. Ouais, ouais. Feu, des roues avec des dents, nous on rêvait de faire ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ça se passe où ça, chérie? Un peu dans plein de pays. C'est le lendemain de la date d'Amérique. Ouais. Non, c'est, y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a un petit peu partout, et ça passe à la télé, je crois que c'est sur Gulli, pour vous dire à quel point c'est un truc de mec stylé. Ça passe sur Gulli. Mais c'est sur Netflix aussi, il y a un truc comme ça. Ah, il y a ça sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. Mais ils sont télécommandés, les robots, ils sont pas autonomes. Non, non, c'est ça, c'est toi qui les gères. Mais cela dit, peut-être le futur, ce serait ça, c'est qu'ils soient. Parce que pour le moment, il y a pas de robots. Oui, non, c'est que des gens qui sont en télécommande. Non, mais je me disais, oui, des robots tout seuls pour des tâches. C'est stylé, hein, franchement. Ouais. Il y a bien des aspirateurs qui se déplacent tout seuls, donc ils peuvent faire des robots. Mettre une scie dessus et c'est bon, quoi. Oui, au lieu du balai. Ouais, ouais. Tout simplement. Est-ce que vous, il y a des petits trucs de technologie dont vous pouvez plus trop vous passer? Genre là, si je prends votre téléphone, c'est quoi le gros truc qui va vous manquer? La musique. Ah ouais? Je pète les plombs. Ah moi, ouais, non, mais tu sais que je peux être en retard, genre si j'ai oublié mon casque. Et fais demi-tour. Ah ouais, mais genre, j'ai genre 25 casques à la maison parce que au cas où. Parce que t'en rachètes un chaque fois que tu oublies, quoi. Non, à chaque fois que je suis dans un relais, j'achète un casque. Je te jure, ouais, si j'ai pas de musique, je pète les plombs, quoi. Je comprends. Mais en toutes circonstances. Toi, tu médites pas, j'imagine. C'est très compliqué. Ouais, je me dis quelqu'un qui. C'est très, très compliqué. Quand tu dis que c'est compliqué, c'est que t'as déjà essayé? Ah ouais, non, ouais, mais tu vois, j'ai déjà eu. Plus de, enfin, je sais pas, plus de batterie ou un truc comme ça. Là, ça me fait. C'est pas d'avoir les appels et tout ça, c'est la musique, quoi. Je pète les plombs. Si t'as plus de batterie sur 4 heures de train, ça m'est arrivé la dernière fois. Oui, ça, je peux comprendre. Wow. Le train, c'est relou. Non, j'ai fait un peu de percus. J'étais pas bien, je fais des allers-retours et tout. Il faut de la musique, jouait, putain. Elle a détourné le train. Ouais, ça, ouais. Je comprends. Mm. Bah, t'aurais pu avoir une activité qu'on m'a proposée récemment dans le train. Ah oui. Je suis allé à Nantes et déjà, à un moment. Non, non, tout moi, va l'idée qu'on me propose. Non, vous voulez vous conduire. Là, peut-être pas. Attention, parce que là, donc, il y a une annonce qui se fait qui fait: bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Pérec. Je vous attends au wagon bar pour faire des activités concernant l'écologie et le sport. Ah là, j'y vais par contre. Donc, c'est pas vrai. Et t'arrives, c'est Gérald Darmanin. Il le fait trop bien. J'y ai cru. Mais moi, dans le train, ça, j'y suis seul. Je pensais que c'était une annonce préenregistrée qui disait en gros le TGV fait des petites activités pour le sport. Ah, c'est vraiment Marie-Josée qui était là. Il y avait vraiment Marie-Josée Pérec. Non, non, plus fou. Personne se lève dans mon wagon. Marie-Josée Pérec entre dans le wagon. Eh, vous êtes sourds, quoi. La solitude. Je suis là pour vous. Est-ce que vous connaissez ma vitesse? Ouais, c'est ça. Mais c'est horrible. Je cours plus vite que le train. Je cours plus vite que le train. Ça sert à rien pour moi de prendre le train. Non, mais elle nous a dit, il y a vraiment une activité. Voilà, ça vous intéresse. T'étais pas en seconde, toi. Je peux te le dire tout de suite. Non, t'étais en première. Business, business premier, pas je pense. Business première, ah, okay, petite première, payé par le festival Sofilm. Okay. C'est pas... vrai. Pour aller à Nantes. Exactement. Putain, ton film d'ailleurs, on en a pas parlé, mais il est génial. Bah merci, Louis, voilà. C'est très gentil. Bah c'est vrai. Écoute, Marie-Josée Pérec, c'est bon de le rappeler parce qu'il y a le Blu-ray qui sort. Blu-ray fin août et VOD tout ça. Alors, fin août, c'est très gentil de lui. Ça, elle y pense. Alors. Bah, Marie-Josée Pérec n'a pas parlé de mon film, mais nous a proposé Marie-Jo. De faire une petite Marie-Jo. Et donc il y a une personne qui s'est levée et je pense vraiment qu'elle l'a fait pas. Oh non, c'est trop triste. Ouais, non, mais allez, toi. Non, mais, non, mais moi je connais pas. C'est quoi l'activité? Je ne connais pas cette personne. On sait pas l'activité, quoi. Oh, vrai, c'est ça. En fait, un truc qui dit un peu: venez vous amuser autour de l'écologie. Ah, mais des JO. T'étais tout seul, chérie? J'étais tout seul. Ah ouais, non, c'est chaud tout seul. Tout seul. T'es avec un collègue. Elle te dit pas l'activité. Non, tu savais pas ce qu'il y avait dans le train. Enfin, le mec, il revient. Putain, c'était chiant ce Uno. Non, mais en plus, moi, ça me donne la gerbe, le wagon bar. Donc, du coup, je suis pas sûr. Pourquoi t'as-tu? Parce que tu piques, elle mange tout. Pourquoi j'ai la gerbe dès que je vais au wagon bar? Les bars et les wagon bars. Les restos, ça me donne envie de chier. Comme les castings. Oh, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec ces conneries. Emmerich, toi, est-ce que tu as des trucs de technologie qui... Moi, ça serait Google Maps, je crois. Ah oui. Mais ça, ça, je pense que... ça, c'est fou. Ouais. C'est fini. Moi, je n'arrive même pas à me rappeler comment je vivais avant Google Maps. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu dois aller à un endroit, tu fais. Il y avait des cartes. Ouais. Je vais improviser, je sais pas. C'est vrai, comment on faisait, quoi. On n'avait pas une carte sur nous. Si, moi, je me souviens, tu demandais à des gens dans la rue et ils te disaient tous. Bah oui, ça, c'est un truc. C'est vrai que les mecs demandent moins leur chemin que les meufs. Ah ouais? Oui, beaucoup moins. Parce que on sait où on va, Douli. Non, pas du tout. Vous êtes timide parce que ça vous enlève un peu de. Et pourtant, je suis pas trop à dire les mecs, les nanas. Mais là-dessus. C'est vrai que vous demandez rarement votre chemin. J'entends, mais moi, c'est vraiment juste parce que je parle à personne. C'est vraiment pas de la masculinité toxique. Je dis pas que je suis déconstruit. Une mais... anxiété pure. Mais enfin, demande ta route, merde. Non, mais je comprends, mais le truc, c'est que c'était pas mieux parce que tu demandais. Alors, le mec te disait, alors tu vas toujours tout droit pendant 10 minutes, tu t'arrêtes pas. Après, tu tournes à gauche. Et à un moment donné, pendant les 10 minutes, tu te disais, là, ça fait long. Tu demandais à quelqu'un, il te disait, non, c'est dans l'autre sens. Oui. T'es complètement perdu. Parce qu'en tout cas, il y a un truc aussi, c'est que si tu demandes ton chemin un mec et qui sait pas le chemin, il va inventer. Il ne sait jamais. Non, mais je tout droit, gauche et tout, puis n'importe quoi. Et à l'inverse, maintenant c'est devenu relou les gens qui t'expliquent le chemin alors que t'as Google Maps. Mais parce qu'en plus, ils rajoutent toujours des détails. Ouais. Et alors surtout, là, vous allez voir, il y a une petite pancarte, mais n'y faites pas gaffe. Mais ceci dit, moi j'ai ça, quand des gens me demandent leur chemin. Tu sors Google Maps. Bah c'est ça, je fais, bah du coup je vais faire ce que... Ouais, moi je le fais, voilà. Et les gens ils sont contents. Oui, c'est ça, je me dis mais ils ont pas de... Ouais, ils ont pas Google Qu'est-ce Maps. Que c'est cette application Google Maps. Qu'est-ce que c'est que cette connerie que c'est ça. Google. Ils savent où les mecs. C'est encore des robots si c'est parce que mec, c'est connerie. Toi Adrien. Oh. On parle que d'applications là, on peut élargir. On peut élargir. Bah vous disiez vous Siri, Alexa, tout ça. Non, moi j'utilise pas du tout. Il m'angoisse à chaque fois, il apparaît. Moi ça a jamais pris sur moi. Ça fait combien de temps que ça existe Siri? Ça fait longtemps quand même. Moi, et qu'est-ce que tu lui demandes? Siri, c'est pas taper la phrase. Si c'est bien quand t'es à vélo ou quoi, tu dis Siri, augmente le volume. Ouais. Et là normalement chez les gens, il y a le volume de tout le monde qui a augmenté. Siri, branle-les. Et là, tout le monde est en train de se faire, je sais pas, j'imagine. Ah ouais, bien sûr. Des robots. Ah bah là, toujours les robots, les robots. La France avait besoin de ça en ce lundi matin. Cyrus North, en tout cas. Je sais pas, moi, j'ai jamais pris même Alexa, tout ça. Bon, ça, après, moi, j'ai... oui, Google. Bah, moi, j'ai Google Home à la maison et c'est vrai que ça contrôle les lumières. Donc, tu dis, Google, tu peux éteindre la lumière, tout délire, ça. Ah ouais, ça allume, éteindre la télé et tout, ça, c'est, moi, c'est pratique. Ça, c'est un délire. Parce que t'es en train de. T'as pas allé. Oui, moi, t'as pas déplacé, t'as même plus besoin de parler aux gens, toi qui n'aime pas trop parler aux gens. Terminé. Non, si j'aime bien parler aux gens. Non, mais le fait de parler à haute voix seul chez moi m'angoisse, moi. Oui, un peu. Bon, bah... Non, mais. Ce, je... Oui, mais moi je suis célibataire, si je peux pas parler tout seul chez moi. Non, mais à haute voix, le plaisir de parler. Bien avant d'avoir Google. C'est pour ça qu'on a pris une coloc, hein. Ouais. Ouais. Comment elle se passe, cette petite coloc d'ailleurs? Elle se passe très bien, mais oui, c'est vrai. Elle se passe très bien, cette coloc, non? Ça fait combien de temps là? 4 mois, un truc comme ça. Oui, 2 ans, d'oubli. Ça fait 2 ans. Elle est jamais là, elle est tout le temps retournée. Non, mais c'est vrai qu'on se croise pas énormément. Moi, mais c'est une des meilleures idées que j'ai eues cette année. Ouais. Ah ouais, non, c'était, ouais vraiment... ah, c'était ta meilleure idée avec aller sur le tournage de Piste de Est-ce qu'on pourrait pitcher le sujet, film? C'est un sujet interdit dans ce podcast. Mais j'ai un truc, pardon, je fais une digression et je suis désolé d'oubli de revenir sur ce film. Kant, moi j'y suis allé qu'une fois, on se connaît très peu, Émeric, j'ai pas l'impression que ce serait ton grand délire. T'as quand même kiffé? Ah si, c'est son rêve. Non, mais tu vois, c'est hyper désagréable, je peux pas répondre par moi-même. Oh le faux gaucho. Alors la pire idée que j'ai eue. c'était ne pas dormir avant de jouer à la Cigale il y a 3 semaines. Ah ouais? Parce que j'étais à Cannes. Oh, la transition. Wow. Ouais. Wow. Pas mal. C'est la pire idée dont je me souvienne. Non, mais Cannes, là, en fait, c'est parce qu'on était, pas dans la sélection officielle, on était dans la quinzaine des réalisateurs. Mm. Et c'est un peu plus roots que, okay. oui, que le truc pression. Officiel. Et ouais, y a moins de connards et tout, donc. Ouais. Non, c'était, ça va. Non, ça va, c'était cool. Et j'étais avec une bonne équipe, l'équipe des Chiens de Navarre. C'est ça, bien sûr. Donc, qui en gros la bande de Meurice, alors du coup Jean-Christophe de Jean-Christophe Meurice, ouais. Qui ils ont fait Orange Sanguine aussi ensemble. Orange Sanguine et Apnée, ouais. Mais en plus, c'est ce que je dis à Douli, c'est que le réalisateur est tout aussi deg que Douli. Mais oui, qu'elle soit pas venue, donc tu vas venir sur le prochain. Mais à la fin, Douli va faire 20 minutes de pub pour le Comte de Monte Cristo. C'est super, Comte de Monte Cristo. Et le Comte de Boudarbalos, c'est ça, on peut voir. Moi, je prends tous les comptes. Un professeur a inventé la captibule. À votre avis, en quoi consiste cette invention? Alors, La captibule. Est-ce que ça a un rapport avec catapulte? Non. C'est pour capter quelque chose, du coup? D'une certaine manière, mais pas une antenne. Est-ce que c'est pour l'attention? Est-ce que tu t'approches. C'est... Non. Est-ce que c'est une bulle? Ah oui, c'est pour l'air dans le sang? Non. Non. Bah non, parce que tu meurs en fait. C'est des saignées pour les élèves. T'es insupportable aujourd'hui. Allez, tu peux dormir. Surtout que je crois qu'une bulle d'air, tu meurs. Bah en vrai, tu l'as plus ou moins. Quand tu dis l'attention, c'est quoi? Ce serait pour faire quoi? Mais comment t'as fait pour trouver capter bulle tension? Capter l'attention. Ouais, comment t'as fait là pour trouver l'attention? J'en ai marre de ce génie qu'il y a dans ton cerveau. Je fais ce jeu depuis des années. Je sais pas, il y a des connexions neuronales qu'il y a que moi. Il demande à Google. Je suis un robot, j'ai le petit gilet. A ton avis, ça fonctionne comment? Ce que t'as dit, est-ce que ça a rapport avec l'attention? Comment ça pourrait. En un mot ou dans deux mots? Est-ce que c'est quelque chose pour contrôler l'attention des élèves pour pas qu'ils se dispersent quoi? Ouais, c'est ça, mais comment à quoi comment ils font ça? Est-ce que c'est une bulle qui est autour de leur genre autour de leur table? De leur table, il y a une bulle qui les isole. Comme de... des enfants malades, tu vois. Les enfants lunes, tu sais, les enfants lunes. C'est ça, non, alors c'est pas ça. Sinon, ce serait. Terrible, mais. Ou une épreuve d'Interville. Des fréquences comme les chiens? Non, c'est pas un truc avec des fréquences. D'Interville ou de Flotte Boyard. Ou de Flotte Boyard. J'ai pas abandonné l'idée. On a envie de lancer Flotte Boyard, qui serait le Fort Boyard du Floodcast. Ouais, je t'en supplie. Attends, Captain Bull. C'est pour capter l'attention des. C'est pour savoir si les élèves se concentrent mieux. Est-ce qu'il y a un truc avec la bulle ou pas du tout? Eh bah, pas du tout. Ah, ok. Non. Est-ce que ça envoie des petites décharges comme ça? Non, c'est juste qu'ils leur mettent de la ritaline dans leur flotte. Il y a des images? Il y a pas d'images. Il y a pas d'images. Il y a des sons? Il y a. Alors. Non, il y a pas de son, mais ça c'est lié à, au sonore, mais ça n'envoie rien à l'oreille. C'est juste de... dès qu'ils commencent à parler, ils font. Oh, pardon. C'est vrai que pardon, on était dissipés, pardon. Bah comme mon prof qui tapait sur la table, on en parlait la dernière fois. Là. Ouais. J'avais un prof qui a, il tenait pas du tout sa classe, et donc ça parlait, et au bout d'un moment il faisait. Bah, il tapait sur la table, tout le monde. Je peux vous dire que ça sautait et après ça repartait. Ça coûte 21,90€. Voilà, c'est pas très cher. C'est un objet donc. Ah, mais c'est un objet. Tout le monde peut l'acheter. Ouais. Et chaque élève a cet objet, il y a que le prof qui a l'objet. Ouais, bonne question. Non, merci. C'est les élèves. C'est les. Il y a à la fin on compte qui a posé les meilleures questions. C'est les élèves. Ils ont chacun une captibule. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, ça se vend à l'unité, donc c'est pas. Enfin, c'est une prof qui a inventé ça, mais ça veut dire que c'est distribué à tous les élèves de sa classe. Oui, mais ça marche de manière individuelle. Ouais, c'est ça. Est-ce que par exemple, si tu sais, t'entends souvent dans les couples et tout, ouais, il m'écoute pas ou elle m'écoute pas. Quand je... et est-ce que ça pourrait réactiver l'attention de la personne quand t'as rendu boulot? bonne question, Douli. Ah, il y a un message à faire passer déjà. Ouais, là, on sent que ça marche avec les colocs. On leur demande au hasard de faire les courses et qu'ils l'ont pas fait, par exemple. Si on est seul, totalement seul, aucune relation, aucune affection quotidienne, ça marche ou pas? Je voulais savoir. Pas la moindre once. Eh bien, je vais répondre à ta question, Douli. Plutôt l'inverse, justement. Ça ne te permet pas d'écouter parce qu'en fait, ça empêche un peu le son de passer. Ah, donc c'est un casque, en fait? Très bonne réponse, Adrien Méniel. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. La personne, elle a un micro et. Ça fait une demi-heure qu'on cherche un casque. Attends, on dirait les bols où il y a ton prénom dessus, là. Regardez, alors c'est un peu flippant. C'est pas hyper discret. Alors je décris pour les gens, il y a deux mains imprimées sur les côtés comme si on mettait les mains sur les oreilles pour boucher. Voilà. Et il y a aussi des emojis infâmes. Oui, et là en gros t'as des trucs en mousse. C'est un casque anti-bruit en fait. Bah il y a un peu de ça, il y a un truc aussi de vision, il y a un truc sur le front que je comprends pas trop comment on dirait entre une molaire et un casque de rugbyman. Mais en fait c'est un casque anti-bruit juste. Une sorte de casque anti-bruit. Attirer l'attention des élèves durant toute une alors le professeur il serait je vous peux même pas te dire ça. Mais comment ça un casque anti-bruit? Qu'est-ce que vous parlez? Google Maps? Comment ça? Attendez, on est en quelle année là? Ça fait 25 ans que je suis sur ce projet moi. Attirer l'attention des élèves durant toute une journée n'est pas chose facile pour les professeurs. Alors si certains tentent de nouvelles méthodes, la professeure des écoles Sophie Lebon, qui enseigne actuellement à Olioul dans le Var, je suis désolé dans les prononciations, je me suis fangulé. La dernière fois, j'avais dit. J'ai dit quoi? Crayon paye. Au lieu du Var. Il fallait dire pays parce que voilà, parce que c'était à la réunion. Ah, pas pays. Ah. Ouais, non, pas c'était paye. Et il fallait dire pays et j'ai dit paye. Je m'excuse aux réunionnais qui m'écoutent. Hey, je suis une merde. Donc, elle a en effet créé de toutes pièces la Captibule, un casque révolutionnaire inventé pour améliorer la concentration des élèves en réduisant leurs stimuli. C'est pour réduire les stimuli visuels et sonores. Donc, que ce soit au niveau de là ou même. Ah, c'est des œillères doublées d'un casque anti-bruit. Exactement. Oh, voilà. C'est ce que les animaux dans les abattoirs. Ouais, vraiment. C'est juste. Voilà, il manque c'est la laisse. Ah, non, c'est littéralement les animaux à l'abattoir pour pas qu'ils comprennent ce qui leur arrive. Alors, à la base, c'est pour aider les enfants qui ont des problèmes de concentration. Donc, pas juste aider à concentrer. Peut-être qu'il faut que j'essaye. Suite aux recommandations d'un psychologue, l'enfant devait se créer un tunnel de l'attention à l'aide de ses mains pour se cacher la vue, l'empêchant cependant de mener à bien son travail. Testé dans plusieurs établissements scolaires, le casque repose sur une technologie brevetée, félicitée et récompensée lors du concours L'Épine de 2024. Wow, L'Épine et tout. C'est ça. Donc, apparemment, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et, et 21,90€. Mais du coup, si tu veux te concentrer, par exemple, moi qui ai des problèmes de concentration aussi, bah, si je veux me concentrer pour lire un livre, parfois je lis 100 fois la même ligne. Ouais. Mais du coup, s'il y a des œillères, c'est compliqué. Quoi. Non, parce que sinon, ça t'empêche de voir autour. Ouais, c'est ça. En gros, c'est comme si t'étais comme. Ah, d'accord. Pas très, désolé, pas très radiophonique, mais tu mets en gros tes. Oui, rabis-toi. C'est gênant. Non, c'est vrai, c'est pas très radiophonique. Comment vous étiez vous à l'école, Aymeric? Bon élève ou pas? Ouais, j'étais bon élève moi. Ouais. Ouais, j'étais plutôt bon. J'étais maigre, hein. Ouais. J'étais de droite quoi. Mais on aurait dit vraiment un mec de droite. Ah, quand il est maigre, il est de droite. Non, j'étais bon élève. Collège bon élève. Moi, j'étais le pote du gars cool. Oh, pas mal. J'étais toujours le pote du gars cool. J'étais jamais le gars cool. Ouais, un peu le bras droit. Ouais. Bien. J'avais un peu le même profil, moi. Ouais. Un peu, ouais. Est-ce que toi, ça s'est dégradé au fil des ans, genre t'étais bon élève et après exactement, exactement, voilà. Exactement après pareil. J'ai commencé à redoubler et tout, et, ah non, moi non, pas et pas. Là je passe le bac dans 2 ans. Et on est comme ça, on croise les doigts, on espère. Donc, j'ai bien répondu. Parcours classique, ouais, parcours, voilà. Ouais, parcours classique, ouais. Très peu de succès avec les filles. Bien sûr. On a toujours un gros point commun. Ouais. Moi, j'ai deux potes, hein. Hervé. C'est changé de nom. Toi, Adrien? Ouais, un peu pareil. Moi, j'étais aussi un peu. Bah, en fait, j'étais soit très turbulent, qui fait le con, soit vraiment complètement effacé, mais parfois, genre d'un cours à l'autre, quoi. Ah, t'étais drôle, t'étais drôle déjà? J'étais hilarant. Non, mais j'espère que j'étais drôle, sinon c'était vraiment. Mais non, mais ma mère, elle me disait, écoute, je comprends rien en fait, parce que d'un prof à l'autre, ils me disent soit t'es complètement effacé, t'es dans la lune, soit ils me disent tu fous le bordel, tout ça. Et je disais, je suis assez un oiseau. Un oiseau. T'es un oiseau, on peut pas t'attraper comme sur ça. Sur un bulletin, c'est bien. Ma mère m'appelait mon moineau. Oh, bah tu vois, c'est trop mignon. Mon moignon. Plus tard. Et toi, Douli, sachant que pour les gens qui. Voilà, toi, t'as quitté le domicile. À 14 ans. À 14 ans. Mais je continue à aller au lycée. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, t'as continué l'école. Après, je t'avoue que. C'était pour dealer plus. Non, mais figure-toi, j'ai jamais rien dealé. Mais par contre, j'avais récupéré tous les SDF de mon quartier chez moi. Donc, fatalement, on était à 7 et un chien dans 25 mètres carrés. Alors, ils étaient mignons parce qu'ils allaient me voler. Chez Gilbert Joseph, des bouquins, tu sais, d'histoire géographique. Ah oui, trop bien. Ouais, plein de trucs. Et du coup, non. Pour se faire des pailles. J'aimais bien, moi, au collège et tout ça. C'est vrai que je me faisais souvent virer ou coller parce que j'aimais bien. Mais je faisais pas des trucs genre craignos, quoi. Mais petites insolences. Oui, tout ce qui était un peu non, je disais oui, quoi. Tu vois. Ah, oui, mais voilà. Est-ce que t'étais un peu genre s'il y avait une injustice, genre quelqu'un qui se fait punir, il n'a pas mérité, tu disais, c'est dégueulasse. Il y avait 7 SDF chez moi. Moi, quand je me faisais coller, par contre, jamais, mais même toute petite et tout ça, si mes parents disaient, parce que souvent l'école, c'est un peu injuste. Tu vois, une fois, quand j'étais toute petite, je faisais un truc catho et moi j'étais pas baptisée. Et donc, du coup, un jour, on est allé dans une messe. Faut le dire au début du podcast. Ouais, on t'aurait pas autant invité. J'ai voulu goûter l'hostie et je me suis fait punir de ouf parce qu'on m'a dit oui, t'as goûté le corps du Christ, tu alors, fais pas partie pas de la famille. T'as pas baptisé ? Non ? Wow. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, tu vois, ce type d'injustice, mes parents, ils disaient non, mais on va aller leur dire. Et non, j'avais la honte. Dans un pays comme la France, il faut être baptisé. Belle erreur de Douli là sur ce coup-là. Mauvais calcul, peut-être. Non mais moi j'avais la honte que mes parents aillent, tu sais, genre protester pour moi. Je disais non, ça me foutait vraiment la honte. Donc je disais non. Mais c'est ça, bon. Tu sais que tu mets le doigt sur quelque chose parce que moi je pense que c'est pour ça que je disais rien à mes parents. Ouais. J'avais trop peur que mon père dise et qu'il aille au collège et qu'il me foute la honte. Et tu sais, t'as un peu envie de dire non mais c'est bon, je peux me débrouiller tout seul, laisse-moi. Oui c'est ça. En l'occurrence moi j'y arrivais pas, mais oui je préférais me faire harceler. Et avoir des sales notes que demander quoi que ce soit à mes parents. Ouais. Moi, c'est ça parce que mon père y allait, mais bourré. Mon père, elle l'était aussi. Donc, j'imagine bien. transition toute trouvée. Une bière française alors, vient de se prendre 50 000 euros d'amende. À votre avis, pour quelle raison? Du GHB. Alors non, ce n'est pas. Ce serait vraiment. J'espère qu'il se prendrait 50 000 ça. Euros. Ouais, c'est pas beaucoup 50 000 euros. Voilà, c'est pour pas pour une amende, ouais. C'est pas beaucoup. Pour une marque, j'ai l'impression ouais. que les. Est-ce que c'est pour une publicité ou quand même pas... Alors, non. D'une certaine ouais. manière, oui. Sur, est-ce pas que c'est sur le avec visuel? La Heineken, vous pouvez vous la foutre bien dans le cul. Daniel. C'est pas. C'est les vacances. On est en juin, merde. J'ai improvisé. Tu vois bien que j'avais rien préparé. C'est lourd. Sur la bouteille, il y avait écrit un truc et les gens ont dit eh oh quand même. Eh ben, on n'est pas loin de ça. Ou une image. C'est ça, c'est ça. En gros, c'est ça, mais je vous demande une petite précision. C'est politique? C'est pas politique. C'est. Est-ce que c'est sportif? Vulgaire. Pas sportif. C'est un peu vulgaire. Ah, c'est vulgaire. Il y avait des gougouttes. Il n'y avait pas de gougouttes. C'est vulgaire, c'est rapport un peu genre. On va, t'éclabousser la gueule ou un truc comme ça? C'est-à-dire. Une faciale quoi. Ouais, j'ai voulu dire ça chic. C'est dans un autre podcast, Non. C'est moi, j'écoute de la musique en même temps. Est-ce que c'était un peu un truc de cul, on l'a dit ou pas? Oui, on est, c'est on est sur un truc de cul. C'est grossier cul. C'est un slogan? C'est même le nom de la bière. Ah ouais. C'est pas la quéquette. Ah, une chienne. Alors pas la une chienne. Parce qu'il y a la quéquette, non? Oui, il y a la quéquette. Il y a la quéquette. Est-ce que c'est français c'est... ou est-ce que c'est américain? C'est français. Cocorico d'ailleurs, tant que j'y suis. Ouais. Ah oui. Alors, bravo pour vos votes. Est-ce que c'est une référence à un appareil génital? Non. La bite? Non, ce n'est pas la ça bite. Ça fait partie de l'appareil génital. Non, mais c'est une bière au sperme. Ah non, mais non, ça... c'est pas une bière au sperme. Pourquoi t'as dit appareil génital? J'ai pensé femme tout de suite. Ouais, non. La desperme. Oh, la despé. Desperme d'ado. Au cul? Non, aux fesses? Pas au pas. Alors. Au fessier? Pas. C'est une bière française. C'est une bière française. Ah, c'est pas le cul, c'est pas les fesses. C'est pas les fesses vraiment. L'anus? Rien dans le cul, rien dans l'anus. L'urètre, c'est l'urètre. Pas l'urètre. La merde. Mais non, on embrasse d'ailleurs si elle nous écoute. Non, pas la merde non plus. Non, on a dit que c'était sexuel un peu. C'est sexuel. Mais c'est alors, t'as dit, c'est pas les fesses. C'est sexuel. God. Pas des God. Non, mais attends, t'as dit, c'est la pas bouche. Vraiment est-ce les qu'il y a fesses, avec la bouche machin. Y a rien avec la bouche. Non, c'est. La sodomie c'est pas. Alors, on s'approche, pas vraiment. Bah, t'as dit, la prostate. Pas la prostate. J'ai fait le geste. Ouais. Je suis seul. Oui, mais c'est hyper chiant. Jouir. Pas jouir. Mais on était plus proche qu'on disait. Sodomie. Autour de sodomie. En tout cas, on est autour. Par derrière. Voilà. Levrette. La levrette. Ah, la levrette. C'était le nom de cette petite bière qui s'appelle la levrette. Ah, mais j'en ai bu. Ah oui. Ouais, ouais. Eh bah, sympa. Tu recommandes. Ouais, ah oui. Alors, pour la cour d'appel de Paris, ça ne passe pas. Elle a infligé une amende. Pourtant, c'est un animal à la base, la levrette. Alors, oui, mais tu vas voir. Il faisait pas ça par rapport à l'animal. Oui, il y avait vraiment Daniel il y avait vraiment une image qui accompagnait ça se buvait par le cul. Bon. Non, mais c'est un animal. Oui, mais là, tu sais que visuel. Si tu bois de l'alcool par le cul, t'es beaucoup plus bourré très vite. Bah, j'avais vu une émission espagnole. Allez, on passe espagnole. À la question suivante. Hein. Non, il y avait une émission espagnole comme ça qui s'appelait Mille maneras de morir. C'est genre, plein de mecs qui sont morts d'une façon genre débile. Ouais. Et là, t'avais un mec qui s'était bourré la gueule par le fion. Alors, c'est gênant parce que c'est mon père. mais c'est où mon gamin? Mais par contre, il y en a qui se mettent des tampons. Ouais. Tampons de vodka. Dans mais y a pas... Ah ouais. T'as j'avais entendu vois, ça. Je savais pas ça. Oui, t'avais entendu. C'est un copain. C'est un ami. Il m'a dit. J'avais dit, ok Google, est-ce qu'on peut faire ça? Non mais parce que j'en avais. Il me semble que l'anus est en gros plus réagit plus que les lèvres. Il y a plus de terminaisons. Voilà, de terminaisons. C'est pour ça que les suppositoires c'est très efficace. Voilà, c'est ça. Parce que ça va directement dans le. Oui. Voilà. Donc si on peut faire la promo de mon spectacle. Ok, mais gros, yolo, un petit peu. Un spectacle à se mettre dans le cul pour toute sa famille. Donc oui, alors la levrette. Non, on est revenu aux sources du flot de casse. Je cherche le mot, c'est vasilo, c'est pas un truc comme ça. Ah, de quoi le fait qu'il y ait plein de terminaisons de c'est vasilo, je sais pas quoi. Attends, je vais mettre anus sur Google. Vaso. Y'a rien. Vasodilatate. Non, ça c'est. Non, moi aussi je t'ai dit. Non, mais c'est vaso quelque chose. Vasodilatateur. Vasodilatateur. Moi j'ai trouvé ça. Vasosensible. Alux valgus. Bon, je sais pas ce que c'est. Ça. Il va sur Harry Potter. Alux valgus, c'est pas le truc avec les doigts. Je suis sur des pieds. Là, je suis sur des pieds. Mais oui, Alux valgus. Écoutez, j'ai tapé anus sur Google, je regarde une vidéo, je reviens vers vous. Je vais vous expliquer. J'ai tapé levrette. Laissez-moi pas deux secondes. Je reviens. Mais c'est pas de la bière. Donc en gros donc la loi est 20, vous voyez ce que c'est? C'est en gros il est interdit. Et 20 et bière apparemment. Toi t'es trop con. Là, mais quoi? Je vais te mettre une petite tape. Il est interdit en France de faire de la publicité à la télé ou au cinéma ou sur de l'alcool ou des cigarettes. C'est le concept de la loi E20. Ah. T'as même pas le droit d'avoir des cigarettes sur des affiches de films ou des choses comme ça parce que tu n'as pas le droit de faire la promotion. Lucky Luke avait un brin de blé dans la bouche. Donc Beer Market a également été condamné à retirer la mention levrette sur les bouteilles de bière et sur son site internet. La cour reproche à la société d'avoir procédé sciemment à des publicités et propagandes de boissons alcoolisées en infraction donc avec la loi E20 sur la publicité pour l'alcool. En gros, c'est très encadré en France les pubs sur l'alcool avec le côté cul du coup, c'est juste qu'ils ont fait de la pub alors qu'ils n'avaient pas le droit. Bah ils l'ont rendu trop attractive. En gros, il y a une loi qui est gérée par des humains. Bonne question. Ouais. Non mais par exemple, si vous voyez des pubs pour je sais pas Jack Daniel's ou des trucs comme ça, ils te disent jamais genre le bon goût de machin. Normalement, ils ont pas le droit, ils sont juste obligés de te dire c'est ça le cas dans le. Et ça marche avec les clopes aussi. Hein. Bah les clopes, j'ai jamais vu de pub, je crois. Mais on en revient à la question, qu'est-ce qu'on fait avec le sniffy? On en a parlé la semaine dernière. Wow. Ouais, c'est fou ça. Mais je crois que ça ils l'ont. Ouais, plus personne. Déjà peu de buralistes veulent le vendre en vérité déjà. Ah oui. Ouais, il y a vraiment un truc. Ça m'a vraiment choqué. Bah oui. Je suis sûr, j'étais. Oh. Pour dire aux gens, c'était en gros de la. Vendu avec la paille, quoi. Ouais, c'est ça. Un délire. Ah ouais. Mais c'est ça qui est terrible. C'est de la poudre énergisante, pour dire pour les gens qui n'avaient pas écouté le dernier épisode, de la poudre énergisante. En plus, que l'effet doit être dégueulasse. Donc, forcément, tout le monde disait, oui, bon, bah, c'est pour. Vendu avec la paille, c'est abusé. Ouais, c'est ça banalise le geste de sniffer. Et une carte bancaire pour la couper. Ouais. En carte. Un cercueil, tu vois. Non mais ça apparemment effectivement c'est en train un peu de voilà. Ah ouais. Ouais, moi, le problème de buraliste à chaque fois je leur demande tout le temps. je fais le tour de Paris avec mon carnet. Et il y a pas mal qui veulent pas en vendre. Ouais. Bah non ils disent non. Déjà le popper ils disent que c'est un peu la limite. Ouais. Bah, c'est déjà limite parce qu'avant tu pouvais le choper que dans les boutiques de cul le popper. Ouais. C'est ça. Moi j'ai jamais tenté donc je connais non, pas non plus. Non. Je pense que tu perds beaucoup trop de neurones pour pas grand chose. Ouais, c'est clair, c'est clair. Au prorata. À quoi ça sert d'en prendre merde? Non, au prorata, c'est vrai que c'est un peu nul quoi. Bah non, en fait ça marche que la première fois, je trouve. Ah non, le ça popper, marche quand même sur. Je pense que là en termes d'expérience, en termes de drogue, je pense qu'on est sur deux teams vraiment à l'opposé à mon avis hein, je pense parce que attendez, mais où mon sac? Donc en gros, cette affaire illustre comment les producteurs s'ingénient à contourner la loi E20 et l'importance d'être vigilant face à ces tentatives, a estimé Franck Leca, responsable d'affaires publiques d'Addiction France. L'association poursuit également devant la justice d'autres marques, et dont la bière La Quéquette ou la bière Prends-moi. Alors, je savais pas, voilà, c'est vraiment... Attends, ils sont vachement sur le cul. Donc, et la bière Doit-moi le cul. Ouais, non, c'est fou. Non, c'est vraiment... Mais c'est le nouveau truc, c'est comme à Paris. À Paris, il y a un truc qui s'appelle, putain, vers République, il y a un bar, Chope-moi ou un truc comme ça, tu vois. Oui, parce que chope de bière. Oui, j'entends, mais hey, oh. C'est avec deux P, je crois. Le cul quand même. Un peu le cul quand même. Ok. Ça chope, va. Chope. On a encore le droit de baiser dans ce pays ou pas? C'est une vraie question parce que. Moi j'ai arrêté. Apparemment, ça m'a l'air d'être interdit parce que bon, ça n'arrive pas. Sinon, je comprends pas. Tu sais qu'il y a une Polonaise qui m'a fait goûter un truc récemment. Alors je lui dis non, mais je bois pas trop et tout machin. Et elle m'a dit non, mais ça, il faut absolument que vous goûtiez tous et tout. C'était dans une teuf. La nana, elle sort une bouteille, elle nous sort un petit bouchon. Un tout petit bouchon, c'était une petite bouteille. Mais moi, je croyais que c'était de la vodka. Ça m'a traumatisé. Ah ouais. Mais vraiment, ça m'a traumatisé. Devinez combien de degrés faisait cet alcool. Deux. Je vous donne le nom après. Moi, j'y connais rien. Je sais pas. Moi, je connais l'histoire parce que. 70. Ah ouais. Parce que moi, déjà tout à l'heure, Aymeric m'a envoyé. 90. On peut manger des petites gaufres. 95. Oui, sûr, c'est 96 degrés, chérie. Ça s'appelle du spiritus. Et c'est. White spiritus. Je te jure, c'est un délire. Ah ouais. 96 degrés, mais c'est un truc. T'arrives en soirée un peu déchirée, tu tombes sur cette bouteille, tu te fais un verre, tu peux crever. Tu fais un shot et c'est terminé. Moi, en tout cas. Je pense que tu peux crever. Hein. Mais oui. Ah ouais, putain, l'enfer. Ah ouais, 96 degrés, chérie. Ouais. Et à partir de 100, l'eau, ça s'évapore. Ça boue, ouais. Tu peux mettre des pattes dedans. Quand ton shooter boue. Ne le bois pas. Est-ce que vous savez qui est la française Christelle De Franceschi? Alors, vous ne savez sûrement pas qui c'est, non. Mais elle détient un record. Oh. Elle est française avec un nom comme elle, ça. Elle est française. Alors, Bernardo Hanman. Elle a un record du monde. Qu'est-ce qu'elle a fait le plus longtemps, à votre avis? Un truc qu'elle a fait pendant 80 heures, 53 minutes et 28 danser. Secondes. Danser. Pas danser. Roter. C'est physique? C'est un peu physique de certaine manière, mais moins physique que danser, plus physique que roter. Chanter. Pas chanter. Mais parler. On est autour de la musique. On est autour de la musique. On est autour de la musique. Elle a soufflé dans une flûte. Alors, on s'approche. Elle a joué d'un trompette. Instrument. Elle a joué d'un instrument. Du saxo. Pas sax, pas trompette, pas flûte. Un instrument avant. Non, je pense pas. Non. Ou. Guitare, non, basse, batterie. Harpe. Non, pas une harpe, pas batterie, pas basse. Un instrument assez courant. Tambour. Oh, oui, assez, enfin, tambour. Assez courant. C'est pas ce qui se fait le plus dans du les groupes de rock. Du violon. Pas tambour, pas violon. Mais c'est rock, c'est rock. C'est pas rock. Putain, je devais aller au Hellfest, je suis dégoûtée. Ah ouais? Mais j'avais mon pass et tout. Et ben, parce que j'ai pas parce eu. Parce que t'as préféré venir au Floodcast? Non, parce que j'ai pas géré la procuration pour aller voter. Putain. Ah oui, mais tu vois. Non, mais j'y serais allée, je partais demain. Je devais partir demain, je suis dégoûtée. C'est moi, j'y suis allé au Hellfest. J'y suis allé au Hellfest avec toute l'équipe des pistolets en plastique. T'es sur scène, c'est trop bien. Je déteste. Je vais quitter ce podcast immédiatement. Alors, c'est complètement un instrument avant, pardon. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas un instrument avant? Si, c'en est un. Une flûte traversière. Pas une flûte traversière. Non, quand même, t'aurais su. Cornemuse. Oui, non. Ouais, quand même. Ouais. Un xylophone. Alors, on s'approche. Un biniou. Pas un biniou. Bombarde. Non. Ça m'a trompé parce qu'en fait, on ne souffle pas dedans. Ah. Et oui. Ok. De l'orgue. Non, pas de l'orgue. T'as joué pendant 80 heures de l'orgue. Bah tu vas voir la réponse, c'est quand même. Tu sais, y a un accordéon. C'est là le robot. Y a un accordéon où tu souffles. Bah alors pas où tu souffles, mais un accordéon. Ah, c'est un accordéon. Bah, oui, tout simplement un accordéon. Oh, mais y a 80 heures d'accordéon. 80 heures d'accordéon. Et jamais deux fois le même morceau. 80 heures d'accordéon. Sur quelle ligne de métro? C'est énorme. C'est la. Elle dit c'est énorme. C'est le travail d'une vie. 80 heures d'accordéon. Le concert a eu lieu. Attends, elle a dit c'est énorme. Oui. Non, c'est le travail d'une vie. La meuf qui dit c'est énorme. Oui, oui, oui. C'est énorme. Oui, oui. Oui. 80 heures, oui, c'est énorme. Ouais. Bon, bah dites-le, merde. Mais on était sur un concert ou. C'est Marie Louis Perret qui dansait. Mais merde, quoi, 80 heures, c'est pour l'écologie. Comment faire avec moi? Le concert a eu lieu sur une place de la commune sous un chapiteau. La musicienne a joué en boucle un programme de 4 à 5 heures. Donc Christelle détenait déjà quand le même, précédent record du monde datant de 2022 avec 75 heures, 26 minutes et 8 secondes. Attends. Depuis 21. Oui, oui. Elle avait le précédent. Ouais, elle a fait. Personne n'a. Ouais. L'a battu, et personne elle a fait. Ne voulait la battre. Je vais faire plus. Personne ouais. Ne voulait. Tout le monde lui a dit, mais t'as pas besoin. Vraiment, la mienne a fait. Vous êtes sûr vous... Enfin, vous mettez un chapiteau et tout, vous l'avez le record. Mais non, a... je vais faire 80 heures. On sait jamais. Il y a des bénéfices ou... Bah elle a le record du monde. Ouais, pour quel... pas... Ah non. Bah non je... Ah bah cela dit peut-être. Mais c'est pas dit dans l'article. Est-ce qu'elle portait ouais. Une captibule pour À chaque tentative elle améliore un peu plus sa préparation. Cette année elle a suivi un entraînement physique et mental très précis. Elle était accompagnée d'un coach mental, bien préparé, bien entouré. Les deux premières années je tombais de sommeil la nuit parce qu'elle mais a fait oui, tous les ah, ans oui, oui. Non, mais ouais. Déjà, c'est normal Attends 80 heures ça représente combien de jours? C'est beaucoup, bah, c'est 24 3 ouais, quoi, ouais, 4, ouais, 4, 3 jours. 4, 4. Bon, un peu moins de 4. Donc elle dort pas, elle dort pas. Alors tu vas voir, elle fait elle un n'a peu, fait un là peu que plus de 3 jours. Elle a fait ouais. Que 2 siestes de 12 minutes. Elle faisait, et ça jouait pas pendant bah, ce temps. Bah ouais. Ah, mais, oh, on se rend compte que c'est un CD elle derrière. Ça continue pendant qu'elle dort. Pendant qu'elle dort. Enfin. Ah oui, non, triché, Véro. Elle était en pub. Enfin, je veux dire, s'il y avait du public. Ouais, c'était sur la place elle du village. Elle allait passer des petits tunnels quand même. J'espère en tout cas qu'il n'y avait pas de. La nuit, qui... les voisins. Ouais, ta c'est gueule ça, ouais, c'est ça. L'appart qui donne sur la place. Quel enfer. Attends, mais voilà. Sur une place. C'était sur une place. Ouais, sous un petit chapiteau. Ouais. Pendant les 3 jours et 3 nuits du concert, Christelle était aussi très bien entourée avec des bénévoles, les organisateurs et sa famille qui ont tout mis en œuvre pour qu'elle réussisse pour entrer dans le célèbre livre Guinness des records. Son... Et ouais, elle était déjà. Ben non, ouais, ça, elle s'est doublée elle-même. Elle n'avait droit qu'à 30 secondes de pause entre chaque morceau pour que ce soit comptabilisé et 5 minutes par heure qu'elle pouvait cumuler. Donc c'est pour ça qu'elle a fait et des qui petites qui fait sièges. Les règles de ça quoi. Bah le Guinness. Je pense que c'est elle-même. Après, et non, je après, pense que elle Guinness... a vraiment dû dormir énormément. Oh là là, elle était ouais. Aussi filmée 24 heures sur 24 et des témoins se sont par succédés. Un caméraman qui a battu le record du monde de la plus grosse batterie de caméra. Christelle et son équipe vont désormais monter le dossier afin d'obtenir la validation du Guinness dans quelques mois. Donc peut-être que le Guinness d'ailleurs, c'est non. J'ai cru que t'avais dit se sont suicidés mais se sont succédés. Non, ils se sont succédés. Ouais, non, ils se sont succédés. Christelle a maintenant un nouvel objectif, jouer de l'accordéon durant plusieurs jours, mais cette fois en marchant. Non, mais quelle arrête, ah, Christelle, Christelle, arrête. Non, mais stop. Est-ce que je peux reprendre une bière? Vas-y, bien ah sûr, bah, oui, tu merci. Peux y aller avec plaisir. Non, mais là, c'est un appel à l'aide. Pas toi, la meuf qui joue de l'accordéon. Il y a un truc qui Et vous dites pas de. Faites pas, vous amusez non, pas non, trop pendant que je suis pas là. T'inquiète, on va pas parler de toi. On parlera pas de toi. T'as, vas-y, de toute façon, je ferai du montage et tout. Donc, ça se fait, ça fait pas tout ce qu'il dit sur le film. Hein. Ouais. C'est ce dit, franchement, c'est un bâtard. C'est un enculé. C'est pas sûr, il arrête pas. Il dit, ouais, ça va faire un succès. Je dis, ta gueule, on a dit c'était un sujet interdit. Non, ça se fait pas. Tu regrettes. T'inquiète. Je trouve ça très sympa de ta part de faire genre, je voulais trop le faire, alors que moi, tu m'as dit, le scénario pue la merde. C'est ce que tu m'as dit en off. Et je trouve ça. Hey, regardez qui revient, c'est Emric Lomprey, le Manos. Avant c'était Emric Long de loin. Et maintenant c'est Lomprey. Oh, j'ai regardé, parce que des fois je regarde des petites interviews des invités pour voir ce qui a déjà été demandé, des choses comme ça. Les gens ont tenté la blague. Attends, c'était quoi avec Lomprey, la petite maison dans Lomprairie ou un truc comme ça. Oh, j'ai fait. Wow. Oh. Oh là là. Chez Télématin. Chez Télématin. Ouais, Télématin. Ouais. Ouais. Ça, faut le faire une fois. C'était l'occasion d'Oli d'aller à Télématin. Ouais, ouais. Ah, j'ai vu. J'avais vraiment des maquilleurs qui sont là depuis 4 heures, qui dorment comme ça. Tous les régisseurs, ils ont les yeux. C'est très tôt le matin. C'est quelle heure? C'est, tu dois être là-bas à 7 heures, je crois. Waouh, wow. La violence. Donc tu pars à 6 heures. Et c'est vraiment. Light, maquillage, enfin tu sais, tu dois être nickel. Ah ouais, tout le monde est nickel. Il y a une vidéo drôle de Fabrice Eboué qui est là-bas. Ah oui, il dit j'ai pas dormi. Ouais. Parce que vous avez l'air un peu fatigué, vous êtes levé tôt. Non, j'ai pas dormi. Ouais. Mais moi, je crois que je dormirais pas. Mais justement, c'est ça qui est marrant. Il dit je pensais que c'était une bonne idée de pas dormir. Oui. Et il regrette en live. Il dit j'aurais jamais dû faire ça. C'est un très mauvais calcul, je m'en rends compte là maintenant. Non, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une grande connexion entre l'intervieweur et toi. Si je peux. Ah ouais, c'est vrai. On sent que des fois tu fais des vannes, elles sont pas comprises en face, c'était un peu marrant, c'était un peu marrant à voir. Mais la télé, façon de manière générale, pff, c'est hyper. Non mais regardez-moi chez Quotidien, vous allez voir, c'est un tunnel de. Ah ouais. Oh, merde. Ah ouais. Ouais, ouais. Je sais pas la télé, les interviews en télé, Douli, je sais pas si tu gères toi, mais. Oh si, toi t'as fait, j'ai vu 7 à 8 et tout, t'as fait des trucs un peu. Ouais, j'étais préparée mentalement parce que je leur avais promis. En fait, j'ai dit non pendant longtemps et comme ils m'ont tanné et tout, et l'équipe est adorable et tout, mais je leur ai dit en fait, le problème c'est que ma vie et votre musique ne peuvent pas aller ensemble en fait, ce sera forcément pathos quoi. Ils étaient amenant, Douli. Arthur H, on l'aime beaucoup, mais ouais, là, c'est tristoun. Là, cette musique c'est pas possible. Ouais. Donc j'en avais fait une chronique pour des. Tu vois, parce que je pensais vraiment jamais y aller quoi. Et finalement j'ai craqué. Je crois que ça va, c'est pas trop pathos. Super. Non, c'est très bien. Elle est super, ouais. Mais parce que je pense que la télé, le problème c'est les jingles. Nous on avait, enfin on a découvert ça même quand on faisait de la radio, les pubs, les jingles. Ah mais après on pourra parler de votre intervention à France Inter. Bien sûr, si tu veux. Mais mais en tout cas c'est nous, c'est ça qui nous, on a l'impression de pas avoir le temps de parler en fait. C'est ce truc très timé où tu dis oh putain. Mais c'est toujours hyper frustrant parce qu'en plus ils amorcent un truc un peu genre où tu peux creuser dans un truc intéressant, dans un sujet intéressant, et d'un coup. Ouais. Ouais, ils envoient un magnéto d'un mec, on s'en fout. Moi, le pire, c'était 7 à vous à Cannes. Où, Pour, t'y allais pourquoi? Pour les pistolets en plastique. Ah, non, mais là, c'est terrible parce que donc, déjà, on est plein en plateau. Il y avait Pierre Ninet et tout. Ouais. Puis en plus, ce festival de ça fait vraiment hyper bling bling. Quoi. Ouais. Oui, parce que 7 à vous, c'est en public sur la croisette. C'est vraiment le nouveau nulle part ailleurs d'avant. C'est ça. Ouais, c'est moi, ça. Quand je regardais quand j'étais petit, c'était. Truc de ouf quoi. Ouais, bah oui. Et là on nous dit de venir et là tu dis à chaque fois qu'on te pose qu'on te donne le micro, t'as deux chances quoi, vraiment t'as deux chances. Soit tu dis de la merde, soit tu fais une bonne vanne, mais c'est terrible quoi. Ouais. Moi j'avais animé une émission sur NRJ pendant une semaine et pareil c'était ça, c'était pour la sortie de l'album de Squeezie en l'occurrence, et vraiment c'était ça qui était horrible quoi, c'est genre t'as à peine tu commences à te marrer avec la personne, t'as le réel qui dit ouais parce que t'as des annonceurs qui ont mis de la thune. Il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui... ah ouais non mais qui sont des machines. Non, nous France Inter, je te dis, c'est juste en gros ce qui s'est passé. Non, on en parle maintenant, je crois qu'on oui, en parlait après. Range ton sabre. Non, en fait je pense que personne connaissait vraiment ce qu'on faisait à part Thomas Croisière, on sentait que c'était celui qui connaissait le mieux ce qu'on faisait. Ouais, c'est dire. Et en gros, à la fin, il y a un truc, je sais pas s'il le faisait encore sur les dernières émissions. Les sketchs. Ouais. Qui sont, faut le dire, des trucs qui mettent pas à l'aise l'invité parce qu'en gros, ils surtout arrivent avec. Tu sais pas qu'il va y avoir ça. C'est ça. Moi, je savais même pas que c'était filmé déjà. Donc, je suis allé. En habillé en chevalier. Là, à la fin, en fait, il y a la dernière coupure pub, j'imagine, ou un dernier magnéto. Et en gros, le réalisateur de l'émission arrive avec une feuille imprimée avec un texte, il qui est un sketch un qui est écrit par je sais pas qui. Ah, moi j'avais fait Guillaume Meurice. Voilà, c'est ça. Quand t'étais invité. Ouais. C'est ça. Et nous aussi, sauf que nous on savait pas. Moi aussi j'avais fait. Et on lit le sketch. Et en gros, c'est un peu un sketch qui chie sur les podcasts. Ouais. Et pour dire, ouais, les podcasts, c'est des débilos quoi. Ah ouais. Ah, trop bien. Ah ouais, merci. Non, c'est vrai. Ouais, un peu, ouais. Et c'est pas grave, tu vois, mais sur le truc, c'est, on découvre et on essaie de jouer le truc comme on peut, mais on n'est pas très bon. Pareil, on. Oui, donc ça, on. Parce que t'as pas le texte avant, c'est vrai. Ouais, c'est ça, on le découvre sur le moment. Et aussi, ils avaient choisi un seul extrait de l'émission pour de nous, du podcast pour expliquer ce que c'était, et c'était pile l'extrait où un des invités c'était Oli du haut Big Feu Oli qui disait non mais moi les podcasts je trouve ça à chier, je trouve c'est de la merde. Donc avant c'est le seul truc qu'il dit, on va écouter un extrait de votre podcast et c'est Oli qui dit ah mais moi les podcasts ça me déprime, c'est vraiment de la merde et tout, voilà. Alors on s'est dit bah attendez quoi, là il y a volonté de nuire, ça s'appelle du lynchage public. Il y avait tout un petit enchaînement de trucs où on se disait bah en fait moi, j'ai les coulisses. Ah ouais. Moi je vais pas dire de nom, mais il y en a qui vous kiffaient de ouf, il y en a qui savaient pas du tout ce que vous étiez. Oui, bah c'est sûr, ça se voyait. Et ceux qui ont écrit, je pense que ne savaient pas trop. Ouais, en plus c'est pas grave. Dans l'équipe, il y en a qui vous kiffaient de ouf. Bah en tout cas, je sais que Thomas, en tout cas, il y avait, c'est lui qui était venu dans les techniciens et tout, même dans bah, les sais, en fait, en gros, le truc c'est qu'il y avait l'assistant de l'émission, je sais plus comment il s'appelait, celui qui nous avait contacté et tout. Et après Mathias. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et en fait, lui, je crois que lui, il nous écoute et tout. Ben ouais, et ouais. C'est lui qui avait dit putain, mais faut les inviter. Et ils avaient dit ouais, ok. Tu vois. En gros, c'est un peu, on sentait que c'était ça l'ambiance, quoi. Ouais. Parce qu'il avait Julien dit ouais, il vient plus. Et parce qu'il nous, quand il nous avait accueillis, il a dit ouais, j'aime trop. C'est moi qui leur ai proposé de vous inviter et tout. Et après, j'ai dit ah oui. Tu as proposé vraiment. Ramzy était à donf aussi. Ramzy, ouais. Ramzy qui était le. Oui, il kiffe Ramzy. Le rédac chef. Ouais. Il était à donf. Mais moi j'ai fait l'interview Nouvelle Tête là il y a 3-4 mois et ça s'est super bien passé. Pour le coup, ça oui, avait après été ta coupe de cheveux là. Hein. Elle est bien cette émission. Tu vas chez le coiffeur, après t'en parles. À la radio. Donc sauver le service public. Vous voyez bien qu'il y a des concepts de ouf. Non mais donc voilà, et c'était vraiment cool. Mais ce qui était marrant, c'est que juste avant il y avait un invité qui avait dit une dinguerie. Je crois que c'était Alain Chamfort et j'avais vu tous les attachés de presse paniquer en direct. Oh, qu'est-ce qu'il a dit là ? Vraiment... Tu vois tout le monde un peu en panique en coulisses et j'étais un peu content des spectateurs de ça. Ah, c'était en live. Ouais, en live, c'était pendant la matinale. Oui, c'est ça, c'est en direct. Ça, plus c'est ça. Ta promo juste à côté de Marion Maréchal Le Pen. Ah oui, bien sûr, ça c'était chez Canal. Ah, t'as fait ça, putain. Elle était chez TPMP wow. Et elle était à côté. Toi, bizarre. Alors là, chelou. Grosse surprise, hein. Tu es allé faire ta promo à TPMP? Non, j'ai fait une émission de ciné sur Canal et c'était dans le même studio que là où ils font TPMP. Et c'était le jour où il y avait, enfin, un des nombreux jours où il y avait Marion Maréchal Le Pen. Ouais, c'est ça. Même, ça me fait penser quand on avait tourné des sketchs pour MST, le sketch show de Mister V, il y avait l'heure des pros, vraiment dans le studio juste à côté. Et c'est là où Adrien a grave sympathisé avec Pascal Pro. Voilà. Ouais, c'est là où c'est que je me suis placé pour être peut-être chroniqueur. J'étais allé prendre un petit selfie dans le studio. Quand même, bah ouais. Avec Pascal Pro. Non, quand c'était vide. En plein live. Attendez, c'est le mec du podcast, je crois. Tais-toi. Ça a commencé l'émission. Ouais, de toute façon, les podcasts, c'est de la merde. Arrêtez. Oh. Arrêtez avec vos magnétos. Ça joue d'un instrument autour de la table. Douli, tu joues, toi? Putain, mais c'est mon rêve, chérie. Mais oui, toi qui aimes tant la musique. Mais achète un ukulélé. Surtout que mon père, il est guitariste. Ouais. Moi, c'est le seul. Bah non, mais je rien. Mais ukulélé. Rien. Mais moi, la guitare, ça me parle. Ukulélé, c'est hyper facile. Parce que la guitare, moi, ça me paraît inatteignable maintenant. Ouais, ouais. Genre, non mais tout le monde se dit il est jamais trop tard, mais en vrai pour être bon, parce que t'as pas envie d'être le kéké en soirée qui fait 3 accords. Ah, de toute façon, même bon on ne joue pas en soirée, hein, on a pas envie de l'écouter. Mais ça, on est d'accord. Non, mais tu vois, en espagnol ils ont une expression, c'est el tonto de la guitarra, c'est le teubé avec sa guitare. Ça peut être le titre de l'épisode. Je parle espagnol. Hein. Non, mais c'est. Mais achète un ukulélé. Mais grosse frustration. Hein, parce mais que ça fait 4 fois que tu le dis, tu en vends. Bah, j'essaye de. Voilà, You cool man. C'est You cool man. Bon, écoute, j'en ai 5 ou 6 là. Tu choisis celui que tu veux, je te fais un prix. Non, moi je voulais jouer soit du saxo quand j'étais petite, soit de la contrebasse. Et les deux, c'était compliqué parce qu'on était dans un petit appart et tout. Et en plus, on n'avait pas d'oseille, donc laisse tomber. Ouais. Mais. La contrebasse avec 4 cordes. C'est ça, non? C'est pas, non. C'est le truc c'est comme pas ça. 3, c'est pas 3, c'est 4. Peut-être c'est 4. Parce ouais, que tu sais ce qu'a 4 cordes aussi? Un ukulélé. Mais là, moi, le saxo, on m'avait fait souffler dans un saxo. Et en fait, et j'étais positif. Alors je bois pas. Si ça fait brrr, t'es un gros baiser. D'être positif à être un gros baiser. C'est les flics qui font ça. T'arrives avec un saxo. Si ça joue Carles Whisper. Mais d'ailleurs, c'est hyper sexy un mec qui joue du sax. C'est hyper sexy. Mais toujours maintenant ou dans les 80? Mais toi, le sax, Si, j'ai vu un. Non, si. Ah ouais? C'est très sexy un mec. Ça revient un peu le sax. Ouais, j'ai vu là pour l'euro ou les JO. Le sax et le big deal, j'ai quand même l'impression qu'on a eu une. On influence la France. Pour moi, on influence la France. Ah putain, j'ai appris. Ça revient, c'est ça? Ouais. Bah attends, Bill du Big Deal. Je suis pas prête. Est passé dans l'émission de Pascal Pro. On l'a, oui, on l'avait on passé. On en a parlé, ouais, ouais. Mais Bill l'extraterrestre. Oui, oui, l'extraterrestre. Le vrai. En gros, au téléphone, quoi. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là, bon. il vous remplace à la rentrée sur Internet. C'est Bill du Big Deal. Le mec qui fait la voix de Bill du Big Deal. Ah, ah c'est un mec qui fait la voix. Ouais. C'est pas une IA. C'est pas une IA. Et, il a appelé. Enfin, il a été reçu par Pascal Pro dans son émission de radio. Mais en tant que Bill du Big Deal, quoi. Ouais. Donc, salut, moi. Bonjour, salut, Pascal. Il fait, oui, bonjour, Bill du Big Deal. Mais c'est bien, Bill. Alors, Bill, on est arrivé sur un, on est arrivé en France, on est chez Alok. Mais il a toujours la même voix ou... Ah, toujours. Ah, il le tient toujours très bien. Toujours non, la non, banane, il le tient toujours très debout. Bien. Ouais, ouais, ouais. Non, toujours vivant. Et la gaffe, il a quelle tête maintenant ? Mais la gaffe rajeunit parce que tu sais, il se muscle, il se. Ah ouais, c'est vrai. Avant, il avait les cheveux sur le côté des calvitiers et maintenant, tu sais, c'est comme Michel Blanc, quoi. Vraiment, non, voilà, c'est ça. C'est il était déjà chauve sur la fin du Big Deal, non ? Il avait encore. J'ai eu du mal à dire Big Deal. Attends, mais chauve, tu étais rasé ou. Il était pas rasé. Non, ça, c'était plutôt après. C'était son arc Crésus. Il a pas fait la Turquie, quoi. Non, non, non. Ça a été génial qu'il arrive avec une afro et tout. On fait partie des quelques qui ne sont pas allés en Turquie avec. Ah non, c'est la gaffe, Adrien Méniel et Eric Ciotti. C'est le trio. Et Manuel Bompard aussi. Ah oui. Moi de toute façon, si je mise comme rôle deux biopics, c'est Manuel Bompard et la gaffe. C'est les seuls rôles que je peux avoir en biopic à mon avis. Toi Aymeric, tu joues d'un instrument ? Non, moi je suis gaucher, donc j'ai. Ouais, ça c'est une excuse. Il ouais. Y a des ukulélés si pour gaucher. Si je peux m'expliquer. Non, du coup, c'était compliqué d'apprendre un instrument. Il y a jamais des guitares pour gaucher. Mais t'avais fait. Envie. Ouais. Ouais. Mais ça existe. Ça... Ah, oui, ça existe, mais ils sont jamais à avoir. Oui, ça se trouve moins. Non, moi, mon frère, il faisait du violon. Et ça m'a traumatisé du solfège en fait. Ah bah ouais. Ah tu l'as vu galérer. Je l'ai vu galérer. Non mais même d'entendre. Ah ouais, je me suis dit c'est l'enfer. Ah c'est... Ouais. Puis je voyais qu'en fait il faisait l'école après l'école. Tu sais, il rentrait de l'école et il relisait des bouquins. Il en joue toujours ou pas ? Il est plus là. Ah. Non, c'est pas vrai. Ouais, je crois qu'il en joue encore. J'ai eu un doute, t'as vu, je l'ai plus, on a pas parlé. Non, il en joue encore, mais ouais, de toute façon, quand tu mets 15 ans à apprendre un instrument, je pense que t'en joues tout le reste de ta vie. Je suis pas sûr, hein, peut-être que ça peut te dégoûter, tu vois. Si t'as, ah ouais. Bah, si t'as été un peu forcé par les parents, je sais pas si c'était un peu le cas. Non, mais... je crois qu'il est meilleur, mais je crois que le violon, c'est vraiment l'instrument vraiment le plus. Ah, mais c'est pas le truc. Personne n'a envie d'en écouter, oui, voilà. Ouais. Dans les trucs des Balkans et tout, c'est charmé, mais ouais, bon, il faut avoir l'ambiance comme Digan tu... ou Klezmer. Oui, Costa Rica ou... un peu. Ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vas pas jouer du violon sur Serge Lama. Bah, les... ou les feuilles mortes, ou. Ouais, ouais, bon. À une soirée, ouais. Ah, t'as un violon, trop bien. Coupe DJ Raled, on va se faire un peu violon, c'est trop con. DJ Raled. Mais tu vois bien que c'est un ukulélé. Oui, pardon. C'est un tout petit violon. L'été arrive. Moi, je joue ukulélé, du coup, je t'ai pas attendu, mais. Je me suis. J'ai excusé la question, mais voilà, j'avais. L'été est présent et il y a un truc que beaucoup de gens font l'été, mais qui est déconseillé par les scientifiques. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Boire beaucoup d'eau. Non, ça c'est bien. Non, je sais pas. Cela dit, on m'avait dit que si tu bois trop, c'est pas non, bon pour la vessie. Non, mais tu sais, t'es les chiens qui disent qu'il faut boire du thé. Est-ce que c'est pas mettre par rapport à la baignade ? C'est pas mettre la clim, mais ça je pense que c'est un peu déconseillé aussi. Par rapport au bronzage. À ma salle de sport, par exemple, il n'y a pas la clim. Et j'ai dit, là il fait très chaud. Ouais. Et ils disent, bah non, la clim, parce que vu que vous suez et vous faites des exercices et machin. Tu t'es fait avoir quoi, ils ont pas envie de mettre. Ah bon, d'accord. C'est pas parce que ça coûte cher. Non, non, non. C'est pour la santé. Ok, ah, merci vraiment... beaucoup. Non, mais ça paraissait logique ce qu'ils et disaient. Pour, et si on voudrait juste un vestiaire aussi. Alors ça, c'est très mauvais. Parce que, non, non. Parce que le tapis de course, c'est juste moi qui cours autour du bâtiment. Ouais, mais ça paraissait c'est mieux. C'est mieux pour les mollets. Vraiment, c'est important. Bon, bah très bien. Là, voici 2000 euros. Non mais c'est eux ouais, m'ont c'est... dit que tu pouvais te blesser, ça fait des trucs de chaud froid apparemment, mais peut-être qu'on m'a menti. Hein. Alors, est-ce que un truc d'hydrocution tout pas ça, d'hydratation, ça pas d'hydrocution. Est-ce que... soleil, hydratation. Pas de soleil. Ouais. J'ai un peu piqué ça. Vestimentaire ou pas ? Pas vestimentaire. Est-ce que ça a un lien avec les lunettes vouloir de soleil avoir pas les lunettes de l'apéro soleil. Aymeric, comment est-ce que ça a un lien avec le fait d'avoir plus froid. Voilà, dit. Rebois. Ouvrir les fenêtres. Ah. Ce n'est pas ouvrir les fenêtres. C'est vrai, parce que souvent, on laisse rentrer la chaleur comme des cons en ouvrant les je fenêtres. Je vais me suicider. Il faut fermer les volets, ça, c'est vrai. Il paraît, voilà, ouais. C'est vrai, on ouais, n'est bon. Pas sur les trucs de fenêtres et d'aération. Quoi. Pas d'aération. Rien à voir, c'est pas lié au soleil. Pas lié au soleil. C'est les grandes vacances. C'est lié à la chaleur. Non, pas les grandes vacances. C'est lié à la chaleur, exactement, Douli. Mais c'est pas lié au soleil. Mettre un ventilo. Non, mais ça, je crois que c'est déconseillé. Je crois que ça. Ah ouais, ça moi, mais ça, moi, j'ai jamais compris moi, les gens qui. Moi, je suis team ventilo. Ben oui. Ouais, mais ouais, les gens qui disent, tu sais, quand tu mets un ventilo, en fait, il fait pas plus frais. Il brasse de l'air chaud. Ouais, ouais. Bah, non, totalement. Vraiment. Ça m'énerve les gens qui disent ça. C'est vrai. Ça plus frais. Quand tu as un mauvais ventilo. Et je crois que tu peux rester 2 minutes devant un ventilo, dire est-ce qu'il a raison ou pas. Alors t'as plus froid. Le mec fait, si vraiment. Si vraiment. Ventilo sur toi, t'as plus froid. C'est le lobby des climatiseurs. Je sais. Boire de l'eau, t'as dit déjà. Non, c'est lié au fait d'avoir chaud, mais pas avec boire le l'alcool. Soleil. Pas de l'alcool. Enfin, ça, j'imagine que c'est conseillé aussi, mais c'est pas un truc que de base les gens conduire faisaient. En marche arrière. Se mettre à poil. Se dessaper, quoi. Alors. Se mettre en short. Non, c'est la bonne réponse, mais dormir nu. Ah bon? Dormir alors, nu. Tiens. Ah oui. Si la pratique peut apporter beaucoup de bénéfices en temps normal, elle est néanmoins contre-intuitive lors d'une vague de chaleur ou d'un épisode de canicule. Lorsque vous dormez nu, la sueur s'accumule sur le corps et y reste. J'ai vu beaucoup de conseils concernant. Oui, c'est vrai, c'est pas con. Ça n'aide pas beaucoup car la sueur s'accumule sur le corps et n'est pas évacuée par une matière qui absorbe l'humidité, comme c'est le cas des vêtements, cela ne vous aide pas à vous rafraîchir. C'est pas con. Non mais ça c'est fou. T'es jamais quoi, d'accord ça. Avec ce mais non mais oui, écoute, mais c'est oui, Sophie mais... Bostock qui te dit ça, c'est une scientifique. Non, genre... T'es qui toi? Non, qui t'invite toujours... à la Elle télévision. Elle est devenue scientifique. À l'inverse, Julius Patrick. Donc c'est mieux d'avoir un t-shirt imbibé. Écoute, sur non, sur non, toi, tu quoi. Le changes plusieurs je vais fois te dans dire. La nuit. Dans la nuit, oui, voilà, c'est ça. Faites une douche toutes les heures pendant la nuit. Oui, c'est ça. Non. Le mieux c'est de jouer de l'accordéon comme ça, tu dors pas. Tu vas voir. T'es bien. Tu vas voir où je vais. Julius Patrick, qui est une autre scientifique. Qui ça? Julius Patrick. Julius Patrick. Patrick. Un nom inventé. Vas-y. Denis. Conseil de porter des vêtements légers pour dormir. Ils absorbent la sueur que vous avez, ce qui peut vous rafraîchir. Par exemple, si vous portez des fibres... C'est l'utilité de la sueur, hein, de rafraîchir le corps. Ah, juste bien. Si vous portez des fibres... C'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Si vous portez des fibres naturelles comme le coton, vous vous sentirez plus frais dans la nuit que si vous étiez nu, car le coton évacue la sueur de votre peau. En revanche, tout ce qui est synthétique fabriqué par l'homme conservera la chaleur au contact de votre peau. Merci du scoop. La spécialiste nuance, si j'avais le choix entre le coton et la nudité, je choisirais le coton. Mais si vous devez choisir entre le synthétique et la nudité... Choisissez la nudité. J'ai toujours pas Est-ce eu d'explication Julius convaincante. Est-ce que Julius Patrick est un homme? Je sais pas. C'est Julius Patrick. Oui, parce oui. Que moi, genre le coton, ça évacue que dalle. C'est juste, ça absorbe. Écoute, ça évacue rien, quoi. Écoute, Adrien, je te sors les trucs pêle-mêle. T'imagines non, bien non, que j'ai pas fait deux ans d'études. Moi, Adrien, je le sens pas, mon camarade. Ah non, mais Adrien, il débugne. Les fake news, c'est à cause des fake news qu'on en est là, en fait, je vous rappelle. Moi, ça commence là, les fake news. Est-ce que l'été c'est une période que vous aimez? Il y a toujours un peu deux teams. T'adores non, l'été. Non, mais moi je suis complètement. Toi tu fais partie des gens qui se sont plaints des dernières semaines de oh là là il fait moche tout mais ça. Mais j'en pouvais plus. Bien sûr. Tu sais que j'ai joué en Suisse là, sur une scène où ça devait être à la base très sympa. Thomas Wiesel s'était foutu de ma gueule il y a 6 mois avant en me disant tu vas jouer dans des bottes de paille et tout. Au final il jouait aussi. On a beaucoup rigolé. C'était très joli, c'était des bottes de paille comme ça, mais tout le monde était en extérieur. C'est-à-dire les gens, toi, il y avait pas de protection au-dessus. C'était pas... les Baudins de l'île. Ça n'a rien à voir. Elle joue dans les Baudins. Ouais, c'est ça. J'ai raté Pistole Plastique, mais les Baudins, c'est vrai, là. Mais je me suis pas chié. J'ai chié au casting et ils m'ont pris. Bravo. Pardon, Douli, pardon. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite dans vos têtes, les gars. Oh là là. C'est fou. C'est fou, les deux, là. Ah ouais. Enfin, un plus que l'autre, mais. Oui, bah, bien sûr. Je sais bien. Non, mais voilà, du coup, il faisait 8 et il s'est mis à flotter quand je suis monté. Ah, j'ai sur vu scène. Les stories qu'il pleuvait de ouf. Ah, ouais, c'était à découvert. À découvert. Oh, non, mais Bouguerraba, je crois. Redouane Bouguerraba à Marseille, je crois qu'il s'est pris la flotte. Il a insulté la pluie pendant 10 minutes. Ah, ouais, t'es grosse la pluie, grosse. Regarde les grosses gouttes là, quand tu bouges, ça fait blum blum blum. Non, bah attends. Ouais, j'ai dit bon, aux qu'est-ce gens, que je vais faire maintenant comme gens, sketch en montant sur scène. La parole, pardon. Non, mais pas du des tout. Merde. En montant sur scène, j'aurais dit c'est vraiment s'il y en a un qui veut partir, je ne me vexerai pas. Il n'y en a pas un qui a bougé. Oh, trop c'est mignon. Hyper émouvant, mais c'était atroce. Ouais. Et ça, il y en a eu trop là, des fois où il faisait froid. Non, je déteste. T'as joué en Espagne aussi, j'ai vu. Au Portugal. Au Portugal. Là, il faisait bon quand même. Là, le soir, figure-toi qu'ils nous ont prévu que. Pareil, c'est comme ça, j'en peux plus du froid, moi. Je suis trop content. Ils nous ont prévu, et c'est génial, la team, mais ils nous ont prévu des activités en extérieur le soir. Oh. Genre, petite teuf sur la plage et dîner au rooftop. Putain, moi aussi, j'ai du mal à parler. Il faut du sucre. Tu veux que je prenne le relais? Et le soir. Dîner sur un rooftop. Un connard mais il faisait, en ukulélé. Il y avait du vent de ouf, ah très oui. Froid, quoi. Moi, je veux du 40 degrés, je veux du vent chaud. Putain, moi, je déteste, moi. Ouais, j'ai. Moi, j'aime pas l'été, moi. Ouais, moi, j'aime pas le fait qu'il fasse jour à 5h30 du matin. Oui, je suis totalement d'accord. Alors, ça, c'est le seul point négatif, je trouve. Ah, moi, j'aime bien, mais parce que moi, je me lève tôt. Et j'aime bien qu'il fasse c'est mon rêve. Tu te lèves tôt, tu te couches tôt? Plutôt, ouais. Ouais, je suis pas ultra fun comme tu peux. Mais si tu veux, je peux te montrer mes mangas. Un petit coup de ukulélé et je me couche pas. Ah non, moi justement, j'aime pas le. En fait, moi j'aime bien quand il fait nuit tard. Ça, j'aime bien. Ouais, parce que du coup, il fait frais, il commence à faire frais à 22h, c'est sympa. Mais c'est parce qu'il fait frais que j'aime bien. C'est un peu comme cette chanson de Johnny, j'ai besoin du truc nul pour avoir le truc kiffant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, attends, donner l'envie bien avant l'envie. Exactement. Mais moi ce qui me fout le cafard, c'est en hiver quand tu te lèves et qu'il fait encore nuit, ça c'est l'horreur quoi. Moi c'est j'adore. Accroche. Mais ouais, je mais déteste qu'il fasse nuit à 17h par contre. Mais par contre, mais moi, ça j'ai des souvenirs d'école moi. Ah ouais, moi, non, j'aime mais moi bien. C'est pareil, ça me fout le cafard. Moi comme je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le FOMO. Okay. Et l'hyperacousie. Et les quoi? L'hyperacousie. Apparemment, il fait de l'hyperacousie. Non, c'est la misophonie en fait. J'avais vérifié. Je suis atteint de misophonie. Mais autodiag ou Ouais. Okay. Ouais. Bah, parce que personne ne s'est vraiment fait diagnostiquer misophone. Ouais, ouais. Ouais, c'est quand t'es un enculé, t'essaies de trouver un argument. T'es misophone. Non, mais je trouve que du coup, l'été, ça, t'as plus envie de sortir que l'hiver. Et du coup, quand t'as besoin de te reposer. Ouais. C'est compliqué de rester chez soi. Moi aussi, j'ai un peu le FOMO quand il fait trop beau et que tu. Tu sais que tout le monde est en terrasse. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, je dois bosser. J'ai un peu la flemme, moi, par exemple. On est en train de bosser, putain. Genre, tu vas en terrasse en temps normal. Non, juste, il fait beau et du coup, t'as envie de te balader. Oui, voilà, c'est ça, dehors. Et la nuit, moi, avoir chaud la nuit, vraiment, je déteste. Oui, ça, c'est vraiment nul. Mais un t-shirt en coton, mon gars. C'est ce que je fais. Je suis full coton. Dors avec un ours, merde. Lassie Stoley est un adolescent allemand de 17 ans. Du coup, je l'ai dit un peu à l'anglais, c'est un allemand. A un mode de vie assez particulier depuis 2 ans. À votre avis, lequel? Il mange des trucs chelous? Il ne mange pas de trucs il chelous. Il ne parle pas. Il parle. A fait vœu de silence. Non, il parle, il parle. C'est au niveau de du sommeil, encore une fois? Pas du sommeil. C'est vraiment son mode de vie quotidien. Est-ce qu'il vit seul? Alors, il est seul dans son mode de vie. Est-ce qu'il vit... qu'il est seul, Attends, il est seul à... Attends. Il vit seul ou pas? Bah pas vraiment. Mais il est seul à entreprendre il ce mode de vie. Il est enfermé dans une pièce. Il est pas enfermé dans une pièce. Il vit avec sa famille? Non. Est-ce que ça aurait été ouf aussi il y a 100 ans ou c'est ouf maintenant? C'est un peu ouf n'importe quelle époque. N'importe quelle époque. Plus ouf il y a 100 ans. Mais aujourd'hui. Il vit avec des gens donc. Il a arrêté de se laver. Il y a des gens, ouais. Il y a des gens autour de lui. T'as dit quoi? Il a arrêté de se laver? Non, il se lave. Ça, c'est pas un record. Hein. 2 ans. Il vit genre en public. Genre dans un appart avec des murs en verre et les gens peuvent le voir. Alors, non. Oh. Mais un truc en public. On se rapproche là-dessus. Ah. Mais c'est pas une. En live sur Twitch? Pas en live sur Twitch. En live sur YouTube. En live sur Instagram. Il est dur, il est dur. Il y a un aspect genre voyeur. En public quoi. Alors il y a pas un aspect voyeur, il le fait pas pour être vu, mais effectivement il est jamais seul. Ah. Il vit en plein air. Pas en plein air, mais on s'approche de l'endroit où est-ce qu'il vit. Dans un champ. Pas dans un champ, pas dans une grotte. Dans une ferme? Pas dans une ferme. Un truc un petit peu plus insolite. Est-ce sur un feu rouge, t'es en train de nous raconter l'histoire d'un clodo? Dans un supermarché. Pas dans un supermarché. Dans un centre commercial. Non, parce que c'est jour et nuit, dites-vous. Un aéroport. Pas un aéroport. Le film Tom Hanks là. Bien sûr. Ouais, Forrest Gump. Terminal. Ouais. Ouais. Oui, il faut sauver le gars de l'avion. Je Apollo 13 là. Oui, bien sûr. Mais c'est dans un lieu public donc il vit dans un lieu public. Vous êtes approché avec l'aéroport. Une gare. Presque. Une station de métro? Non, presque. Voilà, vous êtes. Un arrêt de bus. Pas un arrêt. Mais oui, parce que là, c'est un SDF. Enfin, Et Bernard, ça fait 2 ans qu'il vit sans argent. C'est dingue, non? Vous n'avez pas ça fou? Les bourgeois qui disent, mais c'est fou ce truc. Comment ils font? Bah, je suis juste SDF en fait. Waouh, je suis super admiratif que tu te sois lâché de tout comme ça. SDF, c'est quoi? C'est ton pseudo? T'es streamer? J'ai un pote qui a fait ça pendant l'été, c'est top. Vous voyez que les podcasts, c'est de la merde. Tu disais les gares. Les gares routières. Non, vous étiez pas si loin, mais. Est-ce que ça. Il aurait accepté gare routière. Ouais, non, je suis pas dur à ce point. Pas parking. Est-ce que c'est un lien avec les transports? Tout à fait. Ok. Un port? Pas un port. Un bateau? Oh, alors, non. Ah, il vit dans un véhicule? Alors, oui. Dans un bus? Il vit dans sa bagnole? Non. Un van? Oui. Non. C'est pas si fou, donc ça, doit, être ça doit être un véhicule. Dans un train? Il vit dans des trains. Tout le temps. Il est tout le temps dans des trains. Ah bah, on en revient à la question, comment fait-il pour se laver? Alors je vais tout expliquer. T'as dit quoi? Vous voulez bien José Pérec? Bon bah s'il reste que vous. Il a fait toutes les activités. Marie-Jo était dans la même. J'ai plus rien à vous proposer, ça fait 2 ans que vous êtes là. Donc en moins de 2 ans, il a déjà parcouru 650 000 km. En vrai, j'adore. Soit l'équivalent de 15 tours du monde. J'aime beaucoup le train aussi, ouais. Pouvoir décider chaque jour où je veux aller, c'est simplement merveilleux, c'est la liberté, affirme Lassis Tollet lors d'un entretien à l'AFP. Avec un sac à dos de 30 litres pour seul bagage, le jeune homme se contente peu. C'est pas beaucoup. Sa plus grosse dépense, 5 800 € étant la carte 100% de première classe des chemins de fer allemand Deutsche Bahn. Grâce à cet abonnement, il a libre accès au salon première classe dans les gares où il peut prendre des repas gratuits et y laver ses vêtements dans le lavabo qu'il faut ensuite sécher dans les trains de nuit. Il se brosse les dents et se lave au lavabo également dans ses salons. Pour se doucher en revanche, il se rend dans les piscines à proximité des gares. Il a pris l'habitude de dormir sur les sièges de première classe qu'il trouve si confortables qu'il peine désormais à trouver le sommeil dans un lit normal. Le balancement du train. Ah, moi, je dors. Alors, moi, je suis insomniaque. Dans les trains couchettes, c'est un délire. Je dors tellement bien. Moi, je m'endors bien. Très bien aussi dans les trains. Ouais, après, faut pas dans les trains couchettes, mais dans les trains normaux, pardon. Dans les trains couchettes, bah, après, faut pas être. Il faut choisir ses voisins, quoi. Tu les choisis pas. Bah, moi, si t'as des voisins relous, ça peut être chiant, quoi. Mais parce que c'est récemment, je me disais, putain, je reprends. Ça fait une éternité que j'ai pas pris un train couchette. Pris, et je me disais, putain, ça doit être trop bien, mais je me disais, ouais, mais que avec des gens que je connais. En vrai, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé le train couchette première. J'ai toujours fait à 6 quoi. Non plus. Mais ouais, la première, pareil, je crois, il y a même une option et on s'était réservé pour un trajet, finalement on a zappé avec mon régisseur et c'était deux. Ah oui. Deux dans la piole. Mais c'est génial. Et ça. On t'apporte le petit déjeuner. Ça existe, ça, ouais. Ah putain, trop bien. Ouais. Ça c'est génial. Mais sinon, t'as aussi la catégorie supérieure un peu où t'es 4. Oui. Ça j'en avais entendu parler. Pas mal. Mais je crois que ma meuf l'a fait. Mais attends, je crois, ça existe encore les trains de nuit? Ah ouais, il y mais en de a, ouf. Y en a deux, trois. Bah, ma compagne, elle est allée en cet hiver là avec ma fille. Moi, j'y pour suis le pas allée. Sud, ouais. Et ouais, c'était un train de nuit où tu travailles le matin à la montagne. Moi, j'adore ça. Ouais. Mais il s'arrête dans les villes un peu pour visiter. Oui, voilà, c'est ça. Il fait le tour du monde en fait, un petit peu, tu vois. Ouais, il fait le tour du monde en train. C'est pas voilà, facile. C'est ah, oui, en fait, ouais. il s'arrête jamais du tout dans un train. En fait. Ah si, parce que il se lave dans la gare déjà. Il dort à l'hôtel. Il dort. T'es en train de nous raconter l'histoire d'un mec qui voyage. Il prend le train. C'est tous les deux mois. Des fois, c'est l'avion, c'est pas le train. Mais quoi, tous les deux mois, il prend un train, quoi. Bah, attends, en tout cas, il se brosse les dents dans un lavabo. Voilà. Et puis quand le train, il y a des grèves, il prend sa bagnole, quoi. Mais voilà. Non, il dort tout. En fait, il dort jamais à l'hôtel. Il fait tout le temps. Il est tout le temps en voyage, quoi. C'est okay, ça, il s'arrête jamais. Bah, j'avoue, ça doit être marrant. Bah, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une vie qui aurait pu peut-être plus jeune, pas maintenant, mais plus jeune, peut-être. Quand je dis une vie, c'est lui. Il y a les trains là, tu sais, un peu comme dans les films là, qui font. Tu sais comment il s'appelle le Bullet Train? Non, pas du tout. L'Orient Express, putain. Ouais. Il y en a aussi un russe, non? Ah, le Transsibérien. Ouais. Oui, parce qu'il va en Russie, l'Orient Express, je l'ai dit. Aussi? Mais oui, c'est les trains un peu emblématiques. Ouais, moi j'aimerais bien ça faire un voyage comme ça de 4 jours dans un train. Comme moi j'en ai trop. Moi j'aurais du stress, moi. Ah, moi j'aimerais rien. Ah ouais? Ouais. En plus, dans l'Orient Express. Et l'Orient Express, moi quand j'habitais dans le 18ème, je le voyais passer. Ouais. Parce qu'il part de Gare de l'Est en fait. Ah ouais? Putain, génial. Il y a toujours les restos, t'imagines avec le restaurant et tout. Oui, avec les petites lumières là comme ça. Ouais. Bah, je le voyais avec Staline et tout qui est assis. Mais il s'arrête jamais ce train ou il fait des pauses quand même? Parce que moi, c'est le fait d'être enfermé 4 jours. Oui, voilà. Parce que. Ouais. Non, mais tu peux ouvrir les fenêtres et tout, je pense. Non oui, mais c'est le fait qu'il roule tout le temps. Tu vois. Moi, par exemple, j'ai été. Il y a pire que les flics, il y a ma fille avec un casque de vélo. Oh, regardez-moi ça. La série Chips. Ouais, c'est ça. Bonjour, Johan, ça va? Mais elle est très grande, ta fille. Non, elle est à gauche. Ça va, chérie? Ça va? Papa, il a bientôt fini là encore. Il a un jeu. Il doit faire. Enfin, il travaille quoi. Il travaille, ouais, c'est ça. J'ai un deuxième petit jeu à vous proposer. Je sais pas si vous avez suivi l'actu Cinoche. Il y a un film qui sort depuis mercredi au cinéma. Non. Mais il a été annoncé que Raphaël Quenard. Oui, on l'a vu hier. Allait jouer Johnny Hallyday. Ouais. Vous l'avez vu hier, vous l'avez croisé? Non, on a. Douli, t'as eu l'info sur. Je sais pas, j'ai vu passer ça. Ah oui, t'as scrollé. C'est vrai qu'il y avait une photo de lui et de Johnny côte à côte et j'ai trouvé que c'était pas incohérent. Non, pas du tout. Et Laetitia Hallyday apparemment a dit que c'était dans le regard beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que quand tu t'attardes à ça. Qui est pas incohérent. Et c'est un super acteur que là, donc il le fera sûrement très bien. Donc, je pense que Jérémy Crédville aurait été bien mieux. c'est vrai. Bah, il bosse là-dessus depuis des années. franchement, c'est. Non, mais il y a un autre film, ceci dit, avec un autre acteur qui lui ressemble vachement, Mathias Schoenaert. Et c'est. En fait, il y a deux films sur Johnny qui vont sortir coup sur coup. Ah ouais. Un qui est validé par la meuf de Johnny. Et l'autre mais l'autre aussi. Ah ouais. Mais ah ouais. Les deux sont validés. Mais il y en a un qui est réalisé. C'est bizarre de faire ça, quoi. Ouais, moi, je comprends pas. Ils avaient fait ça aussi avec Yves Saint Laurent. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il a gardé des boutons, enfin ça arrive souvent, ils font des y a des trucs qui des. Au revoir Johan. Bisous. Amuse-toi bien, à tout à l'heure mon amour. Et donc vu que Raphaël Quenard va interpréter Johnny Hallyday, je vous propose un petit jeu. Je vais vous raconter des paroles de chansons de Johnny avec la façon de s'exprimer de Raphaël Quenard. Il faut que vous deviniez les chansons de Johnny. Tu t'es mis un défi. Non, voilà. Je sais pas l'imiter. Ok. Donc je sais pas, évite, hein, je tiens à vous le dire. Donc ça va être un, c'est un saut dans le vide. Hein. J'ai un nombre multiple de requêtes, dissemblables et innombrables, que je vais vous lister de façon présomptoire mais néanmoins sincère, hein, dans le but seul et unique de retrouver une flamme dévorante et vivifiante. Allumer le feu. Pas du tout. Quelle est la quête de tous les troubadours qui mourir exercent ce métier. Mourir d'amour enchaîné. Non. Faut trouver le titre. Ouais, c'est ça. Affolant et affolé, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Sauf que nous, on nous donne pas une camisole, hein, on nous donne un micro. Donc j'aimerais bien qu'on me cède l'obscurité la plus totale, hein, pour ensuite mettre fin à cet hermétisme par un don qui serait une aveuglante lumière. L'envie. Très bonne réponse. Mais tu le fais très bien. J'essaye. On est un peu très fiers de toi là. Parce j'ai un peu bossé. Il y a un truc. Il le fait bien. Déteste ce jeu. Bon, donc c'était l'envie. Mais en fait, tu paraphrases les paroles. C'est j'avais ça. Pas oui, capté. T'as pas bien expliqué les règles. Ah, excusez-moi. Moi, je pensais que tu que décrivais. Juste l'accent. Non, mais ok, ouais. Très bien. Je paraphrase un peu. Moi, je pensais avec que tu chantais les paroles et qu'on devait trouver le titre. Ah, non, ça a été trop ça. Tu voulais que je chante Johnny. On va te donner l'envie d'avoir envie. Ouais, bon, j'aurais peut-être pas du tout écrire. Ok, deuxième chanson. Ok. Il y a eu une sorte de virage météorologique, hein, transformant le doux soleil, astre majestueux s'il en est, mais cruel, en un nuage devenu subrepticement noir et tempétueux, crachant des éclairs accablants, hein, de façon, je dirais, lapidaire et tonitruant. Hein. Et moi, je suis un... Allumer le feu. Très bonne réponse. J'ai failli. Mais je connais que deux titres. De tourner le temps à l'orage. Revenir à l'état sauvage. Et j'allais dire, et moi je suis un gugus saltimbanque qui pourrait subir une sorte de transition vers une condition d'australopithèque féroce et farouche. Alors, très bien, ouais, je comprends que je les mettrais sur un site, ouais. Sur Insta. Voilà. Quelqu'un fera la chanson. Ah bah qu'une IA, je vous en supplie. Ok. J'ai une appétence à apprécier, hein, que ta crinière se déverse à la manière d'une citadelle stellaire dans l'espace. Hein. Et qu'est-ce qui te maintient au final? Quand tes cheveux sonnent que je... Oh là là, oh, oh là, ça me fait mal au cul parce que je pensais qu'elle allait passer. Putain. Ah, j'aurais bien joué. Putain, bien joué. Ok. Je ne vous ferai pas l'offense que de vous dire que j'ai une aptitude à tout de suite trouver le vocabulaire adéquat pour m'accompagner paternellement les songes d'un bambin. Mais en ma compagnie, il y a eu comme une inévitable ascension chronologique dans les âges, hein, qui amène à une forme de maturité bienvenue. Hein. C'est pas... Que ce soit dans les encouragements d'une maîtresse favorable et chaleureuse, ou dans l'obtention de notes médiocres attribuées par un professeur un peu bégueule, on est comme qui dirait paralysé, hein, comme cloué à notre chaise par tant d'amour, et on doit s'auto-dresser ensemble avec ferveur et engagement, si je puis dire. Mourir d'amour enchaîné? Non. Dans une régularité que je qualifierais de quotidienne. Hein. Parce qu'il faut passer outre nos dissemblances évidentes, hein, dans nos querelles et chamailleries, ou si je puis dire, dans nos élans amourachés soudains, vu qu'on a de cesse de permuter nos absences abyssales de bruit, que ce soit de mon chef, ou que ça vienne de ta personne. Hein. Maintenant qu'on est, comme qui dirait, front contre front, hein, sans possibilité de se débiner... 100%. 100%. Oh, j'avoue que je la connais pas. Je la connais avec pas. David Hallyday. Moi non plus. Putain. Eh oui. Vous dire que c'est moi qui ai eu le point. Bah bien sûr. Bah c'est toi qui as eu le point. Alors j'ai reçu une sorte de présent, un cadeau transcendantal de la part de ma génitrice mais néanmoins amie. C'est une robe, hein, un petit fanion décorateur, comme je dirais, pour célébrer l'union entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou entre deux femmes, hein, peu importe les préférences de chacun. Hein. Ça, je connais pas assez Johnny. Moi, je suis pour tous les amours, y a pas de souci là-dessus. C'est un con. En espérant à ce niveau-là que celle qui m'a porté dans son ventre pendant tant de mois, hein, bah, qu'elle puisse m'exempter de toutes mes erreurs et bassesses, pardonner, hein, en vérité, le saltimbanque que je suis. Parce que le prestigieux lotissement vers lequel je me dirige pour me faire punir de mon vil comportement... Les portes du pénitencier, ouais, c'est une sorte de voyage, ça aurait bien joué. Qui n'est pas une chanson de Johnny. Je suis désolé. Mais c'était beaucoup le cas à l'époque. Si, c'est une reprise. À l'époque, c'était beaucoup le cas. On reprenait des chansons américaines. On a le droit de faire des reprises. Oui, c'est Douli à la base qui l'a chanté. Douli, il a un peu à travers qui lui expliquait la chanson. Ça et les pistolets en plastique, c'est les deux trucs. les glandes. Ah là, je les ai là. Hein. Pour être honnête avec toi, l'offre que je vais te soumettre, hein, de façon indicieuse mais néanmoins rectiligne, c'est pour faire l'économie de quelques deniers, dont on a bien besoin en ce moment, hein, faut être réaliste, et de recevoir comme une étrenne symbolique le double de ta requête pour laquelle tu es venu me voir en premier lieu. Hein, donc pour tes petits soucis de visibilité via tes globes oculaires. Donne-moi ta main, un truc comme ça. Comment? Donne-moi ta main. Non, pas donne-moi ta main. Oh, on a un fan là, il connaît les. Putain, ouais. Pas non, très tu connu. Connais hyper bien. Hein. Ouais. Je suis très angoissé. C'est non, un vrai. C'est un vrai. On va rentrer sur la maison. Enfin, ma passion. Non, non, non, non, non, non. Mais t'as une Harlem, Eric. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est la chanson qui fait, qui veut. Est-ce que je peux danser avec ta fille ou un truc? Alors c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est un vrai miracle selon Saint Jean que je te propose. T'en voulais deux et je t'en donne quatre. C'est le beurre, l'argent du beurre et le postérieur de la crémière, hein, si je peux me passer l'expression. Et pour ça, t'as pas besoin de me prêter allégeance, hein, je suis pas Louis XIV, Louis XVI ou je sais pas quoi. Mais tu dis merci au numéro 1 des opticiens en France, Optique Optique double millénaire. Optique 2000. C'est la pub Optique 2000 de Johnny. Bah oui. On compte les points là. Bah ouais, t'as gagné. Ouais. C'était la pub Optique 2000 de Johnny. Ah putain, bah oui, il y avait une petite. Il y avait un truc décalé. C'était moi aussi. Enfin, j'ai essayé. Il aime bien mettre une petite blague. Et j'essaye, écoutez. Bien joué. Voilà. Bravo. Bon, et ben écoute. C'était trop bien. Écoutez. Ah, c'était super bien. Écoutez. On peut le faire tout le temps. Il a dit je déteste ce jeu. Après, il a gagné. Il a dit c'est génial. Oui. C'est nul le Monopoly, mais non. Ah, rue de la paix. J'adore. À la fin de l'émission, j'ai oublié de te prévenir, Émeric, mais il y a les recommandations culturelles, des trucs qu'on a bien aimés. Oui, je sais, j'ai déjà écouté votre émission. Bien, ouais, bien joué. Donc, tu peux conseiller ce que tu as aimé récemment. Ça peut être tout, ça peut être théâtre, musique, cinéma. Est-ce qu'on peut parler cinéma? On peut parler cinéma. Il y a la promo après, t'inquiète. Hein. Douli, t'as un truc? Alors, moi, je dirais qu'il y a les spectacles de Guillermo Guise, apparemment, qui est super. Mais que tu n'as pas vu. Non, que j'ai pas vu. Donc tu fais juste la promo au copain. Ouais, mais c'est adorable. C'est adorable de ta part. Ouais, mais parce que tout le monde a dit que c'était super. Mais c'est souvent bien. Il y a le dernier album de 12 Kawa où je devais être dessus, mais le pauvre, il a pas eu le temps, tout ça. Mais ça aurait été et trop chouette. Et c'est Emery qui est dedans en plus. J'aurais kiffé. Il arrête pas. Non, mais il est génial l'album. Vraiment, il est incroyable. Et il y a j'ai aussi un son. Douli à chaque fois. Ouais, c'est ça dans tous les trucs. Il y a un son que j'ai découvert. Enfin, je connais Altarba, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, Altarba, de toute façon, c'est super. Ah, c'est quoi comme musique? Non, c'est du rap aussi. Souvent, tu conseilles des trucs que je connais absolument pas. Non, mais ce qui est vraiment le truc des recommandations culturelles, c'est bien. C'est du rap, c'est du hip-hop. Ouais, c'est du rap. Très bien. Et un peu des mix et tout. Et là, c'est Altarba et Senbei. Ça, j'ai découvert ça, ce son que je ne connaissais pas il y a deux jours. Et More Pressure. Ok. Ouais. Là, il faut des casques. More là, il faut aller acheter des casques chez Rolex. Ouais, il faut aller acheter des casques. Ouais. Franchement, c'est vraiment très, très bon son. Mais Altarba, très, très bon. Très, très bon. Ça a un rapport tout seul ou c'est un et groupe? Et Demi-Portion aussi, j'en parle jamais. Ça, je connais Demi-Portion. Moi, Demi-Portion. Et en plus, humainement, ce mec, c'est un amour, ce gars, et c'est vraiment une donc crème. On conseille aux gens d'être amis avec lui déjà. Et ouais, et vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, voilà. Non, c'est une trop bien. Crème de gars, et c'est surtout il fait du bon son quoi. Parce que s'il était gentil, qu'il faisait de la merde, je dirais juste il est gentil. Donc voilà. Très bien, et tout est sur Spotify, etc. Ouais. Quoi. Ok, très bien. Adrien, moi c'est un compte Insta. On peut partir là-dessus. Ah, tout ce que tu veux. Tu sais, au bout de 10 ans, si je devais. Moi, c'est une recette de cuisine. Il y a eu. Alors, attends, moi, un jour, ma reco, et c'est la reco d'ailleurs. Dont on parle le plus, moi. Dont on me parle le plus. C'est souvent comme la ça. La terre de Sommières. Ah oui, c'est génial. Mais t'as vu ça? C'est une incroyable. Trace de gras de il y a 10 ans. Tu peux l'enlever tu la avec dessus, la terre de Sommières. Ouais. Et ça a été ma reco. C'est vraiment le truc dont on me parle le plus. C'est grâce à la terre de Sommière que Jean-Luc Reichmann n'a plus de taches de vin sur le nez. Tu sais que j'aime beaucoup tout ce qui est coque et tout l'ensemble de ton téléphone, chérie. J'ai envie de t'imiter. On m'en parle aussi. J'ai envie de t'imiter. Bah, avec plaisir. Écoute. Ouais. Et donc, c'est un compte qui s'appelle Official Stick Reviews. Et c'est vraiment. Alors, bon, le compte, il a 1,1 million de followers. Donc, je découvre ça, mais apparemment, c'est la nouvelle folie d'Internet. Et c'est juste des gens. La folie d'Internet, c'est ta chronique à bien la rentrée. Bien sûr, Florian Gazan. Non, et en fait, c'est vraiment juste des gens qui s'auto-appellent la Stick Nation et qui montrent des bâtons qu'ils ont trouvés avec des formes. Et ils sont contents, ils disent regardez, c'est mon bâton de sorcier et tout machin. Et là, un million de followers. Bah, c'est le nouveau truc, mais en fait, il y a un côté très, très mignon, quoi. C'est vraiment. Mais non, mais il y a un côté, en vrai. Faut le voir pour le croire. Ouais. Non, mais il y a un côté, t'as vraiment des gens du monde entier. De toutes les classes sociales. Redis. Official, Stick, STICK, Reviews. On peut prendre les paris, mais je sens qu'ils seront pas. REVIEWS. On n'est pas le public. Peut-être pas, non, mais en vrai, C'est vraiment juste des gens, ils se baladent, ils trouvent des bâtons qui sont beaux et tout, et ils disent bah regardez, ça c'est le bâton que j'ai trouvé. Là, par exemple, celui-là il est éclaté un peu. Ouais, mais tu vois, même les, je sais pas, il y a un côté geek des bâtons, ouais, un peu, ouais, ouais. C'est un peu ouais, mignon, c'est très inoffensif. C'est très réconfortant. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça en ce moment? C'est ça. Ça. Avec ce qu'on traverse. Ah là là. Mais en vrai, il y a un peu de ça. Il y a un peu de un truc purement inoffensif, purement. Moi, tu sais, c'est quand on était petit, on adorait ça. Mais oui. Et moi, du coup, là, cet été, moi, j'ai pour objectif de me trouver un super bâton. Quoi. Oui, moi, j'ai encore ce petit truc des fois. Quand je suis en balade et je vois un bâton un peu fou, je suis content. Je te l'envoie, chérie. Et bah, tu l'envoies à eux. Ça fait plaisir parce que tu auras peut-être. Tu l'envoies par la poste, tu veux dire? Je l'envoie et tu envoies la photo et après tu pourras faire un cumul de postes. C'est des vidéos, hein, moi, parce que moi mon rêve c'est d'être sur le site. Tu veux être et dire voilà mon bâton et tout. Ah, tu voudrais, ouais. Bah, j'aimerais bien quoi. Et tu l'envoies par la oui, c'est comme. Nation, est-ce quoi. Que tu vois pas un peu trop grand? T'as une ambition dans ma vie, ouais, peut-être. Ouais, redescends, Adrien. Déjà, je veux me trouver un super bâton. Oui, pas forcément faire ça pour la fame, hein, tu sais, déjà prouve voilà, le bâton. J'ai un super bâton, je le mets dans mon camtar. Emric putain, je me cultive pas beaucoup. Mais non, mais tu sais que ça peut être des vieux trucs. T'as vu ce que je viens de recommander Oui. Alors, moi, c'est des mecs qui avec des trucs, des cailloux. non, je peux réconseiller. Bah, c'est les gens qui vont au Festival d'Avignon. Je peux leur conseiller d'avoir Madame Fraise. Qui oh, joue oui, au Festival d'Avignon. Tu l'as d'Avignon. Vu, chérie ? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ah. Ouais, super. Déjà, Monsieur Fraise, j'avais adoré. En musique, il y a l'album d'Hervé là, qui est sorti. Oui. Ah ouais, c'est génial, vous avez vu. L'anecdote, ouais. Ouais. Vous connaissez l'anecdote du. Non, bah, je crois moi, pas. La connais, mais je te laisse la raconter. Vas-y, Douli, tu la racontes mieux que moi. Moi, je sais pas, mais en fait. Alors, c'est un mec. il sort du studio, je suppose, de sa boîte de prod et tout. Avec, c'est le jour de la sortie de l'album. Et genre, il se filme dans sa bagnole. Et okay, il sort du studio et genre il essaye un des CD quoi, tu vois, et genre il le met et en fait c'est qui, je sais plus quel chanteur, c'est le gars de Despacito, c'est, non, ouais, c'est ça, non, Despacito. Le gars de Despacito, je sais plus comment c'est il s'appelle, c'est Fancy, non, et ça, tous les albums comme ça et l'intégralité et de la vidéo est hilarante où il découvre que tous ses CD c'est Despacito, c'est mais est-ce que moi, c'est moi je l'ai fake vu, j'ai dit fake. Ouais, moi je me suis dit. Mais ça tu vois, il croit c'est rien. Bah, non, super, en tout cas, super. Ça fait vraiment le coup de pub. Parfait, moi je connais ses prods et tout. Et ouais, ils sont dans l'affaire. Non, mais bon, après, ça lui a fait. J'ai pensé, cas, ça a moi, cartonné. Mais moi j'ai vu le truc, j'ai fait. Ah, c'est très facile à faker. Ouais, mais il jouerait très très bien la comédie, quoi. Peut-être. Ouais, et pourquoi pas. Et pourquoi non, mais en vrai, ça m'a pas fait écouter l'album, cela dit. Mais. Je connais pas du tout ce qu'il fait, non, mais je vais écouter du coup. Mais c'est très sympa. Ouais, c'est et surtout, cool. Il est très. Enfin, surtout, non, mais il est très bon sur en live. Ah oui, moi, je le connais pas humainement, mais en live, je l'avais vu en live. C'est Hervé Villard, c'est ça ? Hervé c'est Villard. Villard. Ouais. Ouais, je connais un peu alors. Ouais. J'ai deux, trois notions. Non, mais voilà, il paraît que c'est très cool. Compte Instagram, moi, je suis plein de trucs et tout. Non, mais attends, déjà. Pong Infinity, ouais, bien. Vous aviez vu Pong Infinity ? C'est quoi, du beer pong ou ? C'est des mecs qui font du ping-pong, ils font des trucs de ouf. Pourquoi tu fais du beer pong ? Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, visuellement, c'est de ma faute bientôt. Non, mais donc c'est des gens qui font du ping-pong. Ils font du ping-pong, mais ils font des skills de ouf. Ah, ça, ouais, je peux adorer. Tu peux te foutre la gueule de mes bâtons, mais. Bon, truc de, en termes de sport de puceau, c'est quand même. Allez, on passe à autre chose. J'adore le ping-pong. Moi aussi, j'adore. Non, mais on là chez toi, tu pourras acheter. Tu sais, les petits filets que tu fixes. Ah oui, pour cette table. Après, tu sais, elle est un peu. Après, ça reste pas. T'as pas le droit de toucher à dame. Tu sais, je serais comme clavier dans les bronzés. Ah, c'est le soleil, ça l'a déformé. Elle est voilée, ouais. Elle est voilée, ouais. Joli coup, ouais. Il l'a pas fait exprès, mais elle est belle. Génial. Qu'est-ce que c'est bien. Bah, c'est vrai que ce film-là, je pense que. Bah, il est bronzé. Reco les bronzés. Ah, reco les bronzés. Les bronzés font du ski, puis après, il n'y en a pas eu d'autres après. Voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Emric, donc, cinéma ? Les pistolets en plastique. Non mais pour expliquer aux gens, c'est une comédie. Alors c'est très humour noir. Moi j'avais vu Orange Sanguine, c'est vénère hein, quand même. Ah ouais, mais moi j'arrive pas à trouver ça noir, mais. Bah en fait humour noir dans le sens c'est, ça rit de choses dramatiques. Pour expliquer aux gens, c'est un film qui s'inspire de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Les pistolets en plastique, ouais. Oui les pistolets en Dolly, plastique. Dolly, tu écoutes s'il te plaît. Elle est sur son tel et elle a de la rage dans les yeux. T'as vu, à la maison je peux jamais en parler et tout. Rage. c'est de la rage envers moi-même. Ah, ouais. La dernière fois, il y avait l'avant-première. Je voulais qu'elle m'accompagne à l'avant-première. Ouais, j'aurais pas pu de toute façon. Ben non, mais c'est horrible. Tu vois, dans un film que tu aurais dû être, et c'est juste, c'est très dur avec son pote, quoi. Ça va. Non, mais en gros, c'est sûr. Pour expliquer, c'est en gros, c'est inspiré de cette affaire-là, puisque c'est et sur le fait que les gens sont fascinés par les tueurs en série en règle générale. Voilà. En fait, ça part aussi du parce qu'ils avaient, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils avaient retrouvé le, ils pensaient être Guy Joao. Oh putain, mais je voulais en parler. Oh, génial. Ouais. C'est une des histoires préférées. Ça part de là, ça part de Guy Joao, quoi. Ouais. Où le mec, il a vraiment rien à voir. C'est ça. Et lui, il imagine, enfin le réalisateur imagine du coup ce que le vrai se dirait à ce moment-là. Voilà, exactement. On voit le vrai dans le film, il s'appelle Bernardin. Ouais. Et on voit comment lui voit le truc de Guy Joao. C'est ça. Trop drôle. Voilà. Voilà. Et il y a, et en gros, il y a plein de gens super dans le film. Alors, j'ai bientôt fini, hein, Douli. Il y a Laurent Stoker, Delphine Baril, Vincent De Dienne. Voilà. Non, mais franchement, allez voir, parce que la qualité du jeu de tous les comédiens qu'il y a dedans. Oui, oui, mais ça, c'était le vrai truc super déjà d'Orange Sanguine. C'est que tout le monde est très marrant. Ça joue très très bien et voilà, et c'est pas un film qui est dans un milliard de salles, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Il y a pas c'est, beaucoup ça... de copies. Ouais, c'est un entre guillemets. Moi j'ai appris le truc des copies là, je connaissais pas. Bah en gros oui, c'est ça, c'est peut-être expliquer. Combien toi? Moi j'en avais deux copies, putain je sais plus. En fait, nous ça a augmenté, on en a pas eu beaucoup première semaine. Donc les copies c'est le nombre de films, le nombre de cinémas. C'est ça, grosso modo. Ouais c'est ça. Et du coup plus t'as de copies, plus t'es dans le cinéma, plus potentiellement tu peux rentrer. C'est hyper injuste. Mais en même temps, si tu as beaucoup de copies, que tu fais pas beaucoup d'entrées. Bah c'est genre en fait ce qui est important de ce qu'on m'a expliqué du cinéma, c'est ton ratio de personnes par copie. Okay. Nous par exemple première semaine sur les Leroy on avait 400 et quelques copies, mais on a fait ce qui est beaucoup et ce qui est pas mal. Et ton film est génial d'ailleurs. C'est gentil, merci. Ouais, vraiment, mais ce qui est beaucoup, mais ce qui est pas non plus énorme. Là, je crois que le petit truc en plus. Non, oui, bah lui, bien sûr. Voilà. Maintenant, il est sur 800 copies. Mais je pensais même à Monte Cristo. C'est une grosse sortie d'un coup, quoi, parce que forcément, les gens se disent bon bah c'est famille, etc. Et du coup, c'est les cinémas qui décident en fait. C'est eux qui décident. Moi, je vais et prendre votre film ou pas. Chaque cinéma est indépendant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, il y a des trucs quand t'as les gros réseaux, Pathé, UGC, tout ça. Mais effectivement, vous, vu les clés pistoles en plastique, c'est quand même humour un peu. Alors peut-être pas noir, mais en tout cas, c'est vénère, quoi. Ça peut nous, mettre mal à l'aise. C'est 130 copies, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est dans des réseaux art et essai et tout, donc le film est vraiment apparemment accompagné. J'ai appris aussi que les cinémas d'auteur avaient la primeur sur les films d'auteur. Ah ouais, bah c'est possible. Oui, donc, oui, parce que t'as le label art et essai. Voilà. Voilà. Pour amener les gens à aller d'abord dans les cinémas d'auteur avant d'aller. Parce que c'est les cinéphiles qui ont plus de chance, en plus de donner sa chance à un film comme ça, qui est un peu plus particulier. Niche, quoi. Disons. Niche. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, mais c'est une comédie. Ouais. Faut le dire aux gens, c'est une comédie, Jean-Christophe Meurice, et voilà, c'est dans 130 salles. Donc c'est... Ouais, il est hyper cool, pas parce que je suis dedans, mais. Désolé, non, et t'as une scène avec De Dienne, qui est très marrant, De Dienne. Ouais. Ouais. Tu l'as vu le film, toi? Moi, j'ai pas vu le film encore, j'ai pas eu l'occasion. Mais vraiment, il est vraiment hyper cool. Bon, bah voilà. Et t'as kiffé l'expérience? Parce que c'est ton premier. C'était la première fois. Film, en tout cas. Ouais. Ouais, j'adore. Bah, jouer avec De Dienne, c'est vraiment. Mais Meurice, c'est particulier parce que moi, on m'avait dit qu'il faisait beaucoup d'impro quand même. Mais on fait que de l'impro. Oui, c'est ça. Voilà, on tourne pendant 6 heures et il prend le meilleur. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est, putain, ouais. Et donc, c'est... d'où l'intérêt d'avoir un bon camarade de, ouais, de putain, jeu. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est la force de Meurice, c'est de. Je trouve que c'est de réussir à trouver des binômes ou des trinômes. Ouais. Qui sont hyper compatibles. Et moi, ça m'a fait, plaisir de voir plein de têtes. Donc voilà, c'est depuis mercredi au cinéma. N'hésitez pas à y aller, c'est vachement cool. Douli, toi, t'as le spectacle aussi. Enfin, Emery, dans les pistolets en plastique. Non, mais le prochain j'arrive. Douli, tu seras dedans. Non, mais surtout que tu tournes beaucoup, Douli, en plus, en vérité. Donc, t'es dans plein de trucs. Arrête tes sons. Merci, moi, c'est mon premier film. J'ai les Folies Bergères, mais j'ai aussi la captation du spectacle au Cirque Électrique. Oh. Ce qui est quand même. Ouais, c'est un challenge parce que j'ai fait faire. Je vais peut-être faire des numéros avec des cirques. Cassien, j'en sais rien. Je sais pas où ça va, chérie. Il y a des petits trucs un peu techniques, genre s'il pleut, la capta c'est baiser, quoi, tu vois. Ah ouais. Bah parce que sur la tente. Toi et la pluie, dans la merde. Oui. C'est pas possible. Putain, c'est vrai. S'il y a un tank qui arrive aussi, c'est foutu. Il y a plein de trucs. T'as le périph' en bas, t'es avec les flics et les ambulances et tout. Mais en vrai, je suis très contente de la faire là. Là, ce sera le 9, 10, 11, 12 octobre. D'accord. Ah, okay. Mais là que tu fais la capta. Ouais. Oui, donc le truc sera dispo l'année prochaine, etc. Oui, oui, mais il faut qu'ils viennent voir la capta. Ah oui, j'ai bien pas sûr. Encore annoncé toutes les dates. J'avais annoncé que 11, Oh putain, je suis fatiguée, j'ai faim. Ah. Il y a eu la saignée, rappelons-le. Il y a oui. eu la... ouais. Ah oui, c'est vrai. Là, ah ouais, bah, c'est oui. pour ça que j'ai un coup de mou. Bah, c'est il y a des gaufres là, il y a des gaufres. Mais non, mais on... mais non, il y a du beurre, chérie, je suis allergique. Ah oui, c'est je vrai. Je l'ai regardé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut terminer. Saignée plus chiasse, c'est vrai que ça arrive d'être super, c'est cool. Bah, c'est un mauvais vendredi soir. Rocco gaufre. Ah ouais, c'est délicieux ça. Ouais, elles sont bonnes. Moi, je kiffe bien. Bah, très bien, Douli. Super. Et vous? Bah toi Adrien, toi ça écrit à fond. Ouais, donc ouais. ça sortira pas tout de suite. Et sinon, t'as joué dans le film de Vladimir Rodionov, je pense qu'on peut le dire. Oui, on peut le dire, mais pareil, ou... ça va pas. Oui, on peut voilà. le dire, mais ça pas pareil, ça va pas sortir tout de suite. Un film avec qui s'appelle pour l'instant Deux Anges, mais ouais, avec Romain Lancry et Chirine Boutella. Ouais, Chirine Boutella, enfin plein de gens super. Et t'écris quoi? J'écris Feuilleman, le film avec Macla Carito et Pierre Ninet. Et non, et du coup il y a vrai, toujours donc la Bonne Auberge là, on a donc c'est du jeu de rôle sur Twitch, on fait ça depuis 4 ans je crois. Ah ouais. Ouais. Et là on a fait le l'avant-dernier épisode de toute la campagne. Le prochain épisode il sera en live en public en octobre, ouais. En octobre a priori la salle bon, on n'a pas encore réservé mais merci, ça serait tardé merci. Mais du coup je bon a priori je pense non ce sera pas merci le Stade de France ouais, ouais. A priori je pense que les places vont se vendre facilement avec le cœur du public, mais si jamais vous faites partie des gens qui disent ah ben je serais bien allé le voir mais j'ai pas tout vu, bah vous avez jusqu'à octobre pour rattraper votre retard. 4 ans. Attends, mais c'est quoi je connais pas du quoi tout moi. 4 ans d'émission non pour... non si vous avez du retard ah, je veux oui, dire oui. pas tout vous ouais. taper. Mais il n'y a pas de mort. Non, personne n'est mort pour l'instant. Ouais. En 4 ans. Non, ouais. personne n'est mort, mais ça se trouve d'un an. Peut-être au final, hein, on ne sait pas, voilà. Game of Thrones. Voilà. Oh, voilà. Ça me donne envie de regarder. Quel bah, aura qui trouvera une meuf. Non, je crois qu'on peut convenir sur la meilleure vanne de la. Aussi incroyable que ça puisse être. Je suis le seul. Bon, bah, Ludo est parti. Ludo a été mangé par un dragon. Un dragon qui s'appelle Cynthia, apparemment. Non, et moi je voulais faire un petit big up vite fait aussi parce que le roi avait vendu à plein de pays. Donc voilà, des fois il y a des gens d'autres pays qui me disent mais moi je voulais le voir et tout machin. Bravo. Donc je tiens à vous dire quand même qu'il sera en Allemagne, en Italie, en Bulgarie, en Slovaquie. Benelux, mais bon ça c'est déjà sorti. Et c'est Espagne, l'euro, quoi. Espagne, Portugal, Hongrie et Canada, parce que j'ai beaucoup de gens du Canada qui me disent mais génial. Alors j'ai pas les dates pour tout, mais voilà, tous ces pays-là, sachez que ça a été ça vendu. Ça sonne bien les Leroy en québécois. Les Leroy's. Ah oui non, québécois, oui oui, ah, bien sûr. Je saurais pas le dire. Moi, en Slovaque, c'est un peu pas ouf. Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, c'est une nulle blague. Bah moi aussi. Non, moi c'était un de mes délires, ce serait de me voir doubler en. Ah mais moi j'en rêve. En anglais ou un truc. Moi j'ai été doublé en tahitien et je peux te dire que c'est un grand moment. Attends, ouais. Tu doubles les films en tahitien? Non, c'était une interview qu'on avait fait avec Pierre Thévenoud. Et on était à la télé tahitienne et ils nous ont doublé en tahitien. Je te jure, j'ai écrit il y a une semaine au gars qui nous avait programmé pour qu'il me renvoie l'extrait parce que je veux absolument partager cette information avec incroyable. Le plus grand nombre. Bon bah écoutez, trop cool, merci beaucoup d'être venu, c'était trop bien de vous recevoir. Ouais, c'était trop chouette. Vu que merci. Nous attend là. Si, du coup, deuxième tour, pareil, barrage, tout ça, on fait ce qu'on peut. Voilà. Je vous conseille un groupe qui s'appelle les Birreries Noires. Oh bah dis donc, et Douli, hier, on a fait un truc, nous. Vous avez fait quoi? On était place, on était de, la place de la République, avec le rassemblement, on a chanté... National, hélas. Oups. Non, sur les, la contre sur la RN. Scène, contre, et on a chanté... Contre la RN, on a chanté la jeunesse en merde, le Front National. Devant 15 000 personnes. Ah ouais, pas mal. Mais putain, mais moi, je vois jamais, je vois toujours quand c'est trop tard les trucs de rassemblement. Twitter, et tout. Twitter. Ah, je suis plus sur Twitter. Ah merde. Et ouais, sur Insta, chaque fois je vois trop ça. Tard. Quoi. Ouais. Bon, bah trop cool. Écoutez, force ouais, à tout le monde. Ouais. Non, mais oui, c'est pour dire vraiment, à moins que vous soyez raciste, oui. ne votez pas RN. Parce mais non, raciste, non, parce franchement, plus les gens votez RN. Franchement, c'est même beau que vous ayez trouvé le parti qui correspond autant à vos valeurs. Si vous l'êtes pas, il y a vraiment pas de raison. Surtout si vous êtes pauvre. Ouais, mais... Et au deuxième tour, faites barrage les gens de droite, hein, parce que nous, on sait. Moi, j'ai voté Chirac. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai voté Chirac, putain. Mais donc oui, vous, c'est vous ça. Voter et NFP, justement, chérie, là, quand on était petit, mais là, t'avais les deux images, Le Pen, Chirac, la j'étais France pas entière. Petit, j'ai voté, hein, moi. La France entière pleurait. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Et là, genre, il y a pas de pleurs mais trop. Non, mais ça fait des ça fait des, littéralement des décennies qu'on fait barrage en votant à droite. Donc là, maintenant. Non, faut que les gens de droite ils incitent à voter à gauche, quoi. Ouais, ce serait bien. Ouais. C'est vrai que t'as raison, on a fait barrage, quoi. Mais ça fait des années. Moi, j'ai fait quasiment que ça à chaque fois. Franchement, j'ai voté vraiment voté. Je crois que j'ai voté plus à droite qu'à gauche dans ma vie, au final, quoi. Ouais, à force de faire barrage. Ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est bon, quoi. Bon, voilà, merci tout le monde. Merci, des bisous. La promo de mon spectacle. Non, je rigole. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.